Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Radio Gémozo 107. Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2023. C'est Laura et Chris. Et nous vous souhaitons la bienvenue pour la troisième édition de notre émission intitulée Radio Catch. Nous faisons un petit coucou à Marjolaine, notre nouvelle service civique. Coucou Marjolaine. Coucou Marjolaine qui est juste derrière dans le local technique pour un petit peu voir comment ça se passe au niveau de la table de mixage notamment. Elle t'assiste visuellement. Donc. C'est ça. Le mois dernier, nous vous avions présenté les deux derniers PLI du mois de septembre et d'octobre. Nous vous avions également parlé des différents titres de NXT. T'as vu comme je prononce bien quand même ? Wow. J'aurais pu dire NXT quoi. Ouais. Mais... Pour ce troisième numéro, nous allons vous donner nos ressentis et nos avis sur le dernier... Purée, il fait exprès. Premium Live Event. Et je commence à gérer en fait. À savoir, l'Assassin's Corse, Survivor Series War Games. Oh. Voilà, on va dire comme ça. Et des championnats des deux shows majeurs, à savoir Raw et SmackDown Live. Vous êtes prêts? C'est parti. Voilà, et on va commencer tout de suite par parler des championnats de SmackDown Live, parce que c'est la branche bleue et on a décidé de commencer par la branche bleue. Et comme nous sommes galants ici à Radio Gémozo, honneur aux femmes tout d'abord, avec les championnats par équipe féminins de la branche bleue. Ces titres ont été créés en 2019 et les premières championnes étaient les Kabuki Warriors. Mais Laura, qui étaient les Kabuki Warriors? C'était Asuka et Kairi Sane, qui a d'ailleurs quitté la WWE il y a quelques mois, plutôt presque un an. Il y a un certain temps. Voilà, pour rejoindre son mari au Japon, c'est également la meilleure amie de Io Sky. J'ai bien prononcé cette fois-ci? Io Sky. Io. Man. Elle est d'ailleurs, à l'heure où nous enregistrons cette émission, championne par équipe avec Dakota Kai, toutes les deux faisant partie du trio Damage Control. Ça me fait rire parce que Damage Control, c'est CTRL, vous savez, la touche là qu'on fait pour faire genre des accents aigus ou des accents circonflexes. C'est vrai. Avec Bayley, du coup, qui s'est formée après Clash of the Castle, qui a eu lieu au début du mois de septembre 2022. Mais je crois qu'à la base, c'était pas prévu qu'ils forment un trio. C'est une bonne question, je t'avoue que j'ai pas la réponse sur ça, donc je n'ai pas les infos. J'aime bien te poser des colles. Merci. Donc elles sont apparues après le match entre Becky Lynch et Bianca Belair. Après la victoire de Bianca Belair, Becky Lynch est devenue face, donc gentil. Bayley, Dakota et Io. Oui. Se sont approchées des abords du ring, elles ont encerclé Bianca Belair comme à l'époque du Shield, hein, je sais pas si vous avez déjà vu, pour les puristes, entre 2012 et 2014 je crois, qui le groupe est resté soudé avant de se séparer. Quelque chose comme ça, avant la trahison de Seth freaking Rollins, avec un coup de chaise dans le dos de, à la base c'était Roman Reigns je crois, ouais. Qui s'est pris le coup de chaise pour rejoindre à l'époque The Authority. À l'époque, maintenant, du coup, Dean Ambrose, qui est maintenant du côté de AEW sous le nom de John Moxley. Mm-hmm. Et Seth Rollins et Roman Reigns, qui sont toujours à la WWE. The Authority, qui était menée par Triple H, il me semble qu'il y avait aussi Kane, Stephanie McMahon et Randy Orton. Quelque chose comme ça, ouais. Et puis maintenant, du coup, Triple H, qui est du coup maintenant le grand patron de la WWE, pourvu que c'est dur. Ouais, c'est vrai, parce qu'on a eu des petites rumeurs sur internet comme quoi Vince McMahon voudrait revenir un petit peu, mais moi je veux pas qu'il revienne du tout. Ah, ça me rend heureux, pas du tout. Donc, oui, le Shield, je disais donc, entre 2012 et 2014, quand ils formaient une équipe qui était, à mon humble avis, l'une des meilleures équipes entre des années 2010, on va dire. C'était une des équipes les plus dominatrices du roster des vestiaires. Qui était. Il venait un peu agresser tout le monde. Il descendait par les. Déjà, qu'on entendait déjà rien que le début de leur musique d'entrée, avec les lettres en alphabet, je ne sais plus quoi. Sierra, Hotel, India et Colima Delta. Ouais, c'est ça. Et du coup, qui sont venus. En fait, ils étaient dominateurs. Et puis, c'était vraiment le clan des années 2010. Bah, c'est devenu une référence même. À chaque fois qu'on dit le Shield, on sait tout de suite qui c'est. Ah, bah, tu m'étonnes. Et j'ai vu un montage sur internet. Où on voit vraiment, parce qu'ils sont tous champions actuellement. C'est Rollins du coup, mais du coup qu'il était champion. Il y avait un montage où il se faisait le signe du Shield, à savoir tendre le bras avec le poing, et là, il mettait son poing sur l'autre, voilà, etc. Et donc, John Moxley, est-ce qu'il est toujours champion de la WWE? Non. Donc, quand ils étaient champions tous les trois, il n'y a que Roman Reigns du coup qui a survécu. Mais c'est vrai que cette photo était sympa. Parce que même si Seth Rollins et John Moxley sont plus champions, ils ont quand même une belle carrière quand même, actuellement. Ah bah ils sont bien partis pour... Et puis ils ont encore de belles années devant eux. Hein. Ah, j'espère. Devant eux, oui. Roman Reigns qui est, du coup, on sait pas quoi il va perdre le titre, peut-être à WrestleMania dans quelques mois. On en parlera tout à l'heure justement, voilà. Parce qu'on a des petits trucs, des petites infos. Et puis du coup, ouais, Seth Rollins et puis John Moxley qui ont encore de belles années d'activité, je pense, si rien ne vient perturber tout ça. Est-ce que tu penses qu'il reviendra à la WWE ? Moi, je pense pas, parce que les types de matchs qu'il y a à la EW, c'est plus son style, les matchs hardcore, tout ça, ce qu'il y a plus à la WWE. John Moxley, non, il reviendra pas, je pense. Parce qu'à la base, il faut savoir qu'au début de sa carrière, il était dans une fédération hardcore qui s'appelait la CZW. Et c'est, là-bas, il n'y a que des matchs hardcore, il y a des néons qui sont éclatés sur le dos des catcheurs, ils passent à travers des vitres, ils se prennent des coups de chaise, du barbelé, tout ça. Et puis, ouais, le AEW, c'est plus, comme on en a déjà parlé dans des précédentes émissions, c'est plus du côté moins familial que la WWE, c'est plus orienté catch, alors que la WWE, c'est plus orienté divertissement. Donc, je pense qu'il est très bien où il est là-bas actuellement, et pourvu... Je pense, et puis maintenant il y a sa femme du côté de. Oui, aussi. De AEW, il y a René Paquette. René Dupré, non, qu'elle s'appelait avant. C'était René Young. Non, René Dupré, c'était un catcheur. C'est plus même. Et non. Hop, dans le bêtisier. Non, à la WWE, c'était René Young. Mm-hmm. Maintenant, elle a pris son vrai nom, du coup, du côté de AEW. René Paquette, bon, son vrai nom de jeune fille, mm-hmm. si on peut dire. Que maintenant, elle a son nom de femme, René Good. Mm-hmm. Voilà. I feel good. Ouais, si on veut. C'est ma meilleure vanne de 2023. Ah ouais, et puis au commencement 2023. Hein. Et l'émission pour le coup. L'émission pour le coup, on est qu'à... Oh, même pas 10 minutes d'émission, ça commence bien. Bah, ça met l'auditeur dans l'ambiance. C'est ça. On vous fait passer un beau moment en ce jeudi soir. Voilà. Donc bah du coup, on s'est un peu perdu. Voilà, on parlait du coup de... Du Shield, voilà. Parce que je faisais référence au Shield, parce que Dakota Kai, Bayley et... Io. Sont arrivés aux abords du ring pour coincer Bianca Belair. C'est un voilà. peu comme les. Comme je sais pas si vous avez déjà vu dans les films où il y a plusieurs chiens qui se mettent autour d'une proie, tout ça pour les attaquer. C'est un peu pareil. C'est un peu ça. Oui. D'où je me demande si ça vient pas de ça le nom de The Big Dog, l'ancien nom de, de Roman Reigns. À méditer. On regardera si on y pense et puis on vous donnera la réponse le mois prochain si on y pense, mais il y a très peu de chances qu'on y pense. Chaque fois on dit des choses, on recherchera après l'émission, puis en fait on cherche pas. Voilà, non. Donc revenons à nos moutons. Bam. C'est cadeau. Donc Bianca Belair voilà était encerclée dans le ring par Dakota Kai. Io Sky. Par comme le Shield, mais Becky Lynch surgit de nulle part pour défendre Bianca Belair. Du coup, Chris, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur ces 5 superstars ? Donc du coup, Becky Lynch, Bianca Belair, Io Sky, Bayley et Dakota Kai, elles ont toutes été championnes ou le sont actuellement. D'ailleurs, Dakota Kai avait été licenciée il y a plusieurs mois avant d'être réembauchée sous prétexte de coupure budgétaire, même si on y croit très peu. C'est d'ailleurs à Clash at the Castle que Dakota a fait son retour, de même pour Bayley qui revenait, elle, de blessure au genou, me semble-t-il. Et Io Sky, quant à elle, était du côté de NXT sous le nom de Io Shirai. avant d'arriver dans le roster principal sous ce nouveau nom, Io Sky. D'ailleurs, Becky Lynch, elle était aussi absente, mais non pas pour une blessure ou autre, elle revenait du coup depuis peu de son congé maternité, alors que Bianca Belair, elle, est restée en activité. Bah, Becky Lynch, Ronda Rousey, elles sont revenues peu de temps après avoir mis au monde leur enfant. Elles sont revenues encore plus fortes qu'avant d'être parties. C'est vrai, on peut saluer cette prouesse parce que personnellement, j'ai jamais été enceinte. Hein, ça peut arriver. Ça n'arrivera sans doute jamais que je sois enceinte, mais je pense que ça doit représenter énormément de boulot pour s'en remettre en forme après avoir donné la vie pour revenir au top, si je puis dire. Et encore, il faut pas seulement gérer ton rôle de catcheuse, tu dois gérer ton rôle de femme, ton rôle de maîtresse, entre guillemets, avec ton mari, parce qu'il faut faire perdurer la flamme. Attention, radio du cœur. Courrier du cœur. Non, c'est pas ça, mais c'est comme toutes les femmes qui sont sportives ou pas sportives, que tu gères ton foyer, que tu gères ton couple, ton enfant et ton travail. Eh bah oui. Wonder Woman. C'est un peu ça. Ah, je voulais juste revenir sur Becky Lynch qui est devenue face. Elle avait dit sur des... Je sais plus sur quel site, enfin ça circulait sur internet qu'elle préférait être heel, donc méchante, parce qu'elle a beaucoup plus de liberté et je suis assez d'accord avec elle. Bah c'est vrai, parce que les catcheurs heel, donc les catcheurs méchants ou méchantes, Ils ont beaucoup plus de liberté parce que quand tu es face, quand tu es gentil, tu dois toujours aller dans le sens de la foule, toujours leur faire des petits poutous, des petites des petites papouilles, être gentil avec eux. Alors que quand tu es heel, tu peux les insulter, tu peux les envoyer bouler, mais sans, bien sûr, en ressortant ton personnage. Et c'est vrai que c'est toujours plus, j'imagine, plus défouloir. Ça le dit, défouloir ? Oui. Défoulant. Défoulant, voilà, c'est mieux, merci. C'est toujours plus défoulant d'être heel que d'être face. Parce que t'as beaucoup plus d'espace pour pouvoir agir en tant que heel et pour pouvoir voilà ton rôle de heel. Bah, si on était catcher, moi je serais la face, toi tu serais le heel, parce que vu comment tu me clashes. Ah, carrément. Je te vois bien clasher les auditeurs. Non, pas là, mais. Non, pas là, je suis gentil. On n'est pas assez fort physiquement non plus. Aussi. Mais ça, c'est qu'un détail. Ça, les gens, ils ne le savent pas, ils ne nous voient pas. Ils ne nous voient pas, comme. Ils ne nous voient pas, ils peuvent se dire, oh là là, mon avis doit être baraqué. Oui, vous en faites pas. Si, avec Photoshop, c'est possible. Je ne sais pas utiliser Photoshop. Alors justement, Chris, que penses-tu de Bianca Belair, ta seconde catcheuse préférée après Nia Jax? Alors, déjà, devine quoi, je te hais, comme d'habitude. On va pas changer une équipe qui gagne. Voilà, hein. Nia Jax n'a jamais été ma catcheuse préférée, bien au contraire. Et Bianca Belair, bien que je n'en suis pas forcément très fan, je reconnais tout de même qu'elle est talentueuse. Voilà. On peut ne pas en être fan, mais reconnaître le talent d'une superstar. Même si je trouve que son règne de championne commence à s'éterniser un petit peu. C'est toujours la même chose, c'est très redondant. Et je ne suis pas forcément à l'aise non plus avec son gimmick. Qu'est-ce qu'un gimmick? C'est le personnage qu'une superstar, un catcheur ou une catcheuse incarne sur le ring. Je trouve qu'elle en fait toujours un peu trop, que ce soit pendant son entrée ou quand elle combat, mais j'insiste bien là-dessus, ça n'enlève rien à son talent. Elle est talentueuse, mais peut-être qu'un autre personnage lui irait peut-être mieux, je ne sais pas. Bah, je sais pas, figure-toi, mais quand tu dis ça sur Bianca Belair, je crois que c'est la même chose que tu penses sur Charlotte. Oui, on sera après. Charlotte. On en parlera peut-être un peu plus tard. Il est fan de Charlotte, mais il ne veut pas se la voir. De fou. Alors on peut mentionner aussi le fait que suite à ça, une longue rivalité a eu lieu entre Damage Control et Bianca Belair, Asuka et Alexa Bliss. Alexa Bliss qui est en train de péter un câble et Chris est content. Ouais, qui est en train de changer de gimmick tout doucement, de personnage, suite, j'imagine, pour se rallier avec... Bray Wyatt. Voilà, avec Bray Wyatt, comme c'était le cas avant que Bray Wyatt se fasse licencier sous prétexte de coupure budgétaire. Ouais, bah c'est surtout pour masquer certaines... Ouais, mais bon, ça, on va pas s'éterniser là-dessus. Voilà. Hein, vous faites vos recherches, vous trouverez facilement. Et donc, c'est vrai qu'elle recommence à redevenir heel, et ça, ça me plaît bien. Bah, surtout qu'elle commençait... J'ai vu la vidéo hier soir, où elle commençait à péter un boulon quand elle a vu le masque de Uncle Woody. Uncle Woody, ouais. Et il y a beaucoup de gens qui disent que Uncle Woody, ça serait Bo Dallas. Il y a d'autres noms qui ont circulé. Mais moi, je pense que ça serait Bo Dallas, le frère de Bray Wyatt. Ouais. Bah, y a plusieurs choses qui dit aussi. Hein. Y a des nouveaux noms qui devraient arriver bientôt du côté, je crois, de NXT. Il y a notamment Vincent et Dutch. Voilà. Je sais pas comment ça se prononce. Sauf qu'il y en a, ils disent non, c'est pas Bo Dallas, c'est Vincent. Sauf que Vincent, il a des tatouages au niveau du cou. Mm. Et puis on a vu Uncle Howdy arriver juste avec un masque qui cachait le visage. Et on voyait son cou, il n'y avait aucun tatouage dessus. Mm-hmm. Bien au niveau de la morphologie du visage, ça ressemble beaucoup à Bo Dallas. Et il y a même des gens qui auraient vu des photos de Bo Dallas qui commencerait à avoir la barbe un peu poivre et sel, comme c'est le cas de Uncle Howdy. Mm-hmm. Et même au niveau de la taille, Bray Wyatt, il fait dans les 1m90, Bo Dallas fait 1m85. Et lors du segment, donc c'est... Comment on peut décrire un segment, ce que c'est? C'est quelque chose qui est prévu à la télé, quoi. C'est une sorte de... Donc, comme un petit scénario, quoi. Voilà, dans ce petit scénario, qu'on a vu Uncle Howdy et Bray Wyatt côte à côte, il y avait une différence de taille qui pourrait correspondre aux deux frères. Et puis moi, je suis presque convaincu que Vincent n'a rien à voir là-dedans, que c'est surtout Bo Dallas qui s'allierait avec son frère, ce qui paraîtrait d'ailleurs assez logique, vu que Bo Dallas serait de retour également. Et du coup, où est-ce qu'on en était? Oui, donc d'ailleurs, Laura, vu qu'on parle de championnat féminin par équipe, peut-être peux-tu nous parler du court règne d'Alexa Bliss et d'Asuka d'une durée de 5 jours? Car moi, je ne peux pas en parler, ça me fait trop souffrir. De toute façon, du moment qu'on parle d'Alexa Bliss... Vas-y. Donc, à mon sens, hein, vu le nombre de jours de règne, c'est inutile de leur faire gagner les ceintures, d'autant plus que maintenant, ce sont Alexa Bliss et Asuka qui sont les malheureuses détentrices du record du règne le plus court. En effet. Donc après, peut-être que la WWE leur a retiré les titres pour les relancer en solo. Et pour moi, elles sont plus faites pour être en solo. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe pour Alexa Bliss, pour Asuka, je sais pas trop. Elle part un peu dans le dark aussi un petit peu, mais voilà. c'est pas flagrant. Peut-être le retour du personnage de Kana. Kana, c'est l'ancien personnage, c'est la création. Parce qu'avant, Asuka, c'est une catcheuse japonaise, elle catchait au Japon. Et Kana, c'est son personnage, sa création à elle, de personnage un petit peu dark, un peu sombre. Donc peut-être que la WWE aimerait les orienter là-dedans. Pour Alexa Bliss, on vient d'en parler. Pour Asuka, ça, je crois d'ailleurs qu'elle est revenue. Je sais pas si c'était lors d'un live event ou lors d'un show télévisé avec le maquillage. Un maquillage à la Kana aussi. Donc je pense que ça s'oriente plutôt vers là. Kana, c'est pas quand elle est arrivée à NXT, ça peut déjà pas Kana aussi, et puis après elle a pas pris le nom d'Asuka. Non, en fait, Kana c'était au Japon, parce que quand les gens arrivent, les catcheurs ou les catcheuses arrivent à NXT, les officiels vont leur faire quasiment obligatoirement changer de nom de ring. Mmh. Donc Kana, vu que c'est la création d'Asuka, elle est arrivée dès le départ en tant qu'Asuka, parce que la WWE avait décidé ainsi. D'accord, donc ils prennent pas forcément toujours les bonnes décisions, bah, c'est la WWE. Bah, comme tu prends par exemple un Pete Dunne qui était à NXT UK, qui cachait d'ailleurs ce nom-là sur le circuit indépendant, et quand il est arrivé dans le roster principal, ils lui ont donné le nom de Butch. Bon, hein, Pete Dunne c'était peut-être mieux que Butch d'ailleurs. Ouais, parce que Butch a fait Pitbull et puis bah, il se comporte vraiment comme un Pitbull en fait. Bah c'est ça. le petit roquet qui veut toujours attaquer. Ouais, c'est un peu nul en fait. Faut vraiment qu'il revienne en Pete Dunne. Je pense que même en tant que Pete Dunne, pour ce qui fait partie du clan Brawling Brutes avec Sheamus et l'autre que j'ai oublié son nom. Je m'en rappelle plus non plus. Ridge Holland. Voilà. Donc même en tant que Pete Dunne, ça aurait pu vachement marcher. En tant que Pete Dunne, en tant que Butch, bon, en plus avec son béret et puis son débardeur. Retour voilà. Dans les années 30. Question de goût, quoi. Ouais, voilà, bah même, de toute façon, même en Pete Dunne, ça aurait marché, parce qu'il est assez sadique hein, quand il essaye de péter les doigts de ses adversaires. Alors, on sait qu'au catch, hein, il y a beaucoup de. Comment c'est. Tout est préparé, ils font attention quand ils font les coups, mais quand ils pètent les doigts, je sais pas s'il fait vraiment attention à son adversaire quand même. Ah, je pense. Ouais, je sais pas, j'avoue. Qu'à un moment donné, il doit y avoir une manière de faire. Tour de magie, tu sais, genre il fait genre qu'il lui pète le doigt, puis en fait l'autre il replie le doigt dans l'arrière. Ouais, ou quelque chose comme ça. Ouais, au lieu de faire lui casser le doigt, genre il fait glisser sa main avant quand il est dans le geste, ou je sais pas, c'est très. J'avoue que sur ça, je me suis jamais penché là-dessus. Donc... Bah, vu que c'est filmé, c'est facile de. Tu fais un petit montage et puis voilà quoi. Ouais, mais je sais pas s'il y a des montages comme ça sur lors des shows. Je sais pas, j'en sais rien. Donc nous appellerons Pete Dunne lors de la prochaine émission et Chris la fera intégralement, puisque sinon le Pete Dunne ne comprendra aucun mot de ce que je dis. Exactement. Donc du coup je me suis perdue dans ma trame. En plus à Crown Jewel, Nikki Cross. Attends. En plus à Crown Jewel, Nikki Cross. Est-ce que j'ai aussi le texte de Laura sous les yeux. Comme ça si elle se perd je peux l'indiquer. Tu parlais de Asuka et puis Alexa Bliss qui étaient les malheureuses détentrices du record du règne le plus court et que la WWE aimerait certainement les faire revenir en solo dans un côté plus dark. Ah, je voulais juste aussi ajouter, j'allais oublier, que Asuka elle était invaincue à NXT. Oui, aussi. Elle a eu le plus long règne, je crois, de NXT. Il me semble que c'est ça. Mais c'est dommage qu'une fois qu'elle est passée du côté du roster principal, ils l'ont un peu mise en arrière, quoi. Ouais, c'est pour peut-être en mettre d'autres en avant, mais c'est un peu. Bah après, tu sais, les décisions des fois de la WWE, c'est très. Des officiels, certaines décisions peuvent être discutables. Je pense notamment à une décision dont on parlera un peu plus tard. Tu as hâte de nous dire. Ouais, de fou. Bah, après, comme dit Ronda Rousey, qui a dit dans une interview, il n'y a pas beaucoup de storyline pour les femmes. Hein. C'est vrai. Les femmes, même si elles sont de plus en plus visibles à l'écran, même si elles sont de plus en plus mises en avant, elles sont encore loin d'être autant mises en avant que les hommes. Et donc c'est bien dommage. Après, il y a plus de talent au niveau des hommes que des femmes. Hein. C'est toujours les mêmes qui sont remis en avant. Il faudrait qu'ils reprennent des nouveaux talents. Mais c'est toujours pareil, comme on dit dans chaque émission. Tu prends beaucoup de monde et puis y en a qui sont laissés pour compte. Bah oui, c'est bien beau, tu embauches, mais après tu peux pas mettre tout le monde sur le devant de la scène, c'est impossible. Mais bon, eux, ils préfèrent miser sur une valeur sûre, si on peut dire, et mettre toujours une certaine personne en avant. Voudrais-tu dire quelques mots sur Mandy Rose avant qu'on reprenne sur Crown Jewel? Sur Mandy Rose? Parce que. Ah, oui. Ouais, sur son talent. Son talent, maintenant, du coup, elle est plus la WWE, elle a été licenciée. Ouais, décision, hein, que franchement. Voilà, parce qu'elle était sur un réseau social où elle publiait des photos un petit peu dénudées. Voilà. Mm-hmm. Et donc ça n'a pas plu à la WWE. Et donc du coup ils l'ont licencié parce qu'ils estimaient que ça leur faisait de la concurrence. Je vois pas en quoi, mais bon après ça. Et mais il paraît que depuis qu'elle a été licenciée de la WWE, elle s'est fait beaucoup plus d'argent que quand elle y était. Ça avec c'est son, bien ça. Avec ses photos, avec son réseau social. Ouais, donc bon, c'est peut-être un mal pour un bien pour elle quoi. Elle faisait des photos un peu dénudées, mais je trouve ça un peu hypocrite à la WWE de l'avoir virée, parce que dans les années 2000 ou quelque chose comme ça, il y avait des combats de femmes où celles qui mettaient l'autre en soutien-gorge et en string gagnaient quoi, quand même. Ouais. C'est vraiment... Il y avait aussi des matchs où le perdant devait embrasser les fesses de Vince McMahon. Bon, c'était une autre époque, vous allez me dire, mais bon, c'est quand même... voilà. Quelle belle conclusion. On a compris, t'inquiète. Voilà, donc après, à un moment donné, il faut être cohérent avec ce qu'on a fait, même si c'est du passé, et être un peu plus indulgent. Ouais, mais bon, nous ne sommes pas à la direction. Non. Sinon, ça changerait. Certaines choses changeraient. Donc du coup, on va revenir sur Alexa Bliss et Asuka. Donc à savoir qu'en plus, à Crown Jewel, Nikki Cross, anciennement appelée Nikki Ice Edge, j'ai détesté cette gimmick. De super-héros. Ce gimmick. 7, ça existe aussi. Je crois qu'on dit un gimmick quand même. Ce personnage, quoi. Voilà, c'est ça. En fait, c'est elle qui l'a trouvé en plus, mais je la préfère vraiment en Nikki Cross, quoi. C'est vrai que c'est différent, quoi. En Nikki Ice Edge, elle était face. Nikki Cross, elle est redevenue heel. Et c'est bien, elle est complètement folle. comme avant, avant qu'elle ait son gimmick Nikki Ice, elle était comme ça, elle était déjà folle. Comme ça, du jour au lendemain, elle est devenue presque super héroïne. Bref. C'est un peu un tournant à 180 degrés, surtout qu'elle était en tant que Nikki Cross, personnage un peu complètement barge. Elle était avec Sanity, c'était qui? Killian Dane, Eric Young et puis Alexander Wolf. À l'époque, Killian Dane, qui est d'ailleurs le mari de Nikki Cross dans la vie de tous les jours. Et qui catch en indépendant, je crois. Ça doit être quelque chose comme ça. Donc, Nikki Cross, hein, anciennement appelée Nikki Ice Edge, qui a effectué définitivement un heel turn, donc qui est devenue méchante en étant... C'est vraiment un heel turn. C'était un peu entre les deux, mais on en parlera peut-être un peu plus tard, du coup. Donc, elle a aidé Dakota Kai et Io Sky à redevenir championne par équipe de la WWE contre Alexa Bliss et Asuka. Il me semble qu'elle a porté un coup à Alexa Bliss, je crois, pour que... Ouais, qui était, du coup, elles étaient anciennement meilleures amies dans le storyline. Donc, c'est... Je pense qu'elles y sont vraiment... Oui, non, quoique non, je sais pas, puisqu'elle n'était pas invitée au mariage d'Alexa Bliss. Je sais pas. Bon, après, tu peux être copain avec quelqu'un et pas forcément... après, si tu peux le maintenir, ce qu'on appelle le kayfabe, le fake, en gros, l'histoire. Et aussi, du coup, elle se tape sur la gueule, pour parler vulgairement. à l'écran sur le ring, si elle se déteste sur le ring, à faire inviter à son mariage, ça aurait été peut-être un petit peu... Les gens, ceux qui sont, ce qu'on appelle les marques, ceux qui croient que tout est réel, ils vont dire « Ah, mais comment ça se fait ? Elle se tape dessus à la télé, et puis là, elles sont invitées au mariage. » Mais ce n'est pas logique. Alors que bon... Ouais, il y a toujours des gens qui savent pas... qu'ils ne savent pas différencier la réalité du pas du virtuel, mais de quelque chose de scénarisé. Oui, c'est ça. Bon, après, t'en auras toujours, je pense. Donc, elles se sont battues, donc on en reviendra plus tard, le 26 novembre au Survivor Series War Games. Donc, c'était Damage Control avec Rhea Ripley et Nikki Cross, du coup. Et j'étais contente de voir Rhea Ripley, parce qu'elle a fait un beau match contre Bianca Belair. Bah, du coup, elles ont perdu contre Alexa Bliss, Asuka, Miyahim, qui se fait appeler Michin, je crois. Je trouve ça ridicule. En fait, c'est son surnom. C'est Michin Miyahim. C'est son nouveau surnom. Avant, la WWE voulait lui faire changer son nom de ring de Miyahim, la faire passer de Miyahim à Michin. Mais ils ont vu que ça prenait pas auprès du public, donc c'est resté Michin Miyahim. Bah, il me semble que lundi soir, parce que c'est diffusé le lundi soir aux États-Unis, c'est marqué Michin sur sa vidéo d'entrée. Ah, peut-être. C'est ce que j'ai vu, en fait, elle est arrivée en courant. Parce que, ouais, c'est pas drôle d'arriver au ralenti. Elle arrive en courant, c'était marqué Michin sur sa vidéo. Et les commentateurs, ils disaient Michin. C'est possible. Michin, mi-raisin. Non, mi-fig, mi-raisin. Non, ça. D'accord. C'est rien, c'est le début de l'année, ce n'est que le début de l'émission. Donc, voilà. Sur ce. Sur ce, du coup. Oui, voilà, j'essaie de parler de Miyahim. Voilà. Donc, à savoir que Miyahim faisait équipe avec Alexa Bliss, Asuka, et Becky Lynch et Bianca Belair dans un Women's War Games, donc un match de femmes au Survivor Series, Avant qu'elle devienne finalement heel, hein, Nikki Cross, comme on disait, parce qu'elle était un peu entre les deux, elle avait effectué un twinner turn. Mais Chris, c'est quoi un twinner turn ? Alors, un twinner turn, c'est quand une superstar n'est ni heel ni face, ni méchante ni gentille, elle est entre les deux. Mais le plus souvent, ça dure pas bien longtemps, puisque la superstar va forcément plonger du côté obscur ou se ramener à la lumière d'une manière ou d'une autre. Donc le twinner turn, on va dire que c'est juste un changement de gimmick, de transition. Est-ce que tu connais d'autres superstars qui ont fait un twinner turn ? Oui, je peux donner quelques exemples comme la D-Generation X avec Triple H et Shawn Michaels. Entre autres, APA avec Farouk et Bradshaw. Ta catcheuse préférée, Lita. Voilà. The Undertaker, Kane, Big Show, Stone Cold, Steve Austin, The Rock, Dwayne Johnson qui est maintenant du côté de Hollywood, Sting qui est du côté de AEW, Kurt Angle qui est toujours à la WWE je crois, mais qu'on le voit de moins en moins, Crime Time avec Chad Gaspard dont on salue la mémoire et JTG, Samoa Joe qui est du côté de AEW, Carlito, le gimmick de Lie, Cheat and Steal de Eddie Guerrero. Voilà. Mickey James avec son obsession pour Trish Stratus, SAN envers son ami Ashley Massaro dont on salue la mémoire également, John Cena également dans les mois suivants son dernier face turn en 2003 et Ric Flair qui utilise des tactiques de heel même en étant face pour ne citer que. D'ailleurs, même quand Eddie Guerrero tentait de se faire huer, détesté par le public, donc le public se prenait au jeu mais l'admirait énormément. Il faut dire aussi qu'il ne catchait pas que pour lui, il catchait aussi beaucoup pour le public. En effet. Maintenant, on peut conclure sur les titres par équipe et nous intéresser aux titres féminins de SmackDown Live. Ah, oh, comme j'ai bien prononcé là. C'est beau. Mais Laura, qui est la championne actuelle de SmackDown Live ? Bah du coup, quand on a écrit la trame pour enregistrer cette émission, Chris s'est fait un plaisir de m'écrire le nom complet de l'ancienne championne, à savoir, roulement de tambour, The Baddest Woman on the Planet, Ronda Rousey, qui est une ancienne championne UFC qui fait partie du Hall of Fame, donc du temple de la renommée de UFC. Mais, petite surprise. Super, j'ai hâte. Si je vous fais... Ta-da. Enfin bref, on y est presque. Ouais. Charlotte qui est revenue. Ouh. Super. Elle est revenue, elle a battu Ronda Rousey après un match. Elle l'a battue en deux prises en quelques secondes. Voilà, elle est redevenue championne pour la 14e fois. Joie, bonheur. Je fou, j'ai hâte. Ah, et attends. Ouh. Voilà. Alors que depuis quand elle est revenue, en fait. Ça, s'il y a des fans de Charlotte Flair qui nous écoutent actuellement, ils vont me haïr à travers le poste, ils vont casser leur poste. Mais du coup, elle revient, on sait pas d'où. Elle ne fait rien de spécial, juste un petit tombé, et puis voilà, 1, 2, 3, et voilà, elle est devenue championne. Je pense vraiment, sincèrement, je pense que la WWE veut vraiment lui faire battre le record de son père de championnat. Elle l'a fait. 14 fois championne, il était 13 fois championne. Son père était 13 fois champion, là c'est son 14e titre, à savoir combien de temps elle va le conserver. C'était pas 16 fois, Ric Flair ? On vérifiera après la pause musicale ou après la prochaine émission. Oh, voilà. Enfin bref, on est, comme vous pouvez l'entendre, on est heureux que... Wouh ouais. Charlotte. Ça va être dans le bêtisier, ça. Donc, hein, bah, comme Becky Lynch et Candice LeRae, elle revient elle-même d'un congé maternité, comme on le disait plus tôt dans l'émission. Ronda Rousey, là, du coup, pas Charlotte Flair. Hein. Ah oui. Voilà. Ce serait bien que Charlotte Flair devienne soit enceinte, qu'elle se lionne un peu des rings du fait qu'elle s'est mariée avec Andrade El Idolo, et je pense que lui pourrait revenir à la WWE parce que c'est assez tendu à la WWE. Mais on sait pas trop, peut-être, mais j'avoue que je ne sais pas trop ce qu'il souhaite lui-même, donc peut-être qu'on la verra un jour. Bah, il a teasé un peu des trucs bizarres sur Instagram, donc ça peut laisser penser que peut-être au Royal Rumble on entendra El Idolo. Ou alors à moins qu'il reprenne son nom à la WWE, Andrade Cien Almas. Ah oui, c'est vrai que à savoir que la WWE avait une certaine passion pour enlever les noms, parce qu'à Cesaro, c'était Antonio Cesaro. Ouais. Il y avait qui d'autre qui a eu perdu son prénom ? Il y avait Mustafa Ali, qui est devenu Ali. Pour redevenir Mustafa Ali ensuite. C'est très cohérent. Il y avait aussi Buddy Murphy, il s'appelait Murphy. Ouais. Matt Riddle qui s'appelait Riddle. Youhou. On voit qu'ils se sont foulés quand même les mecs. Hein. C'est... Bon. Ils avaient la flemme d'annoncer. En plus c'est pas eux qui annoncent quoi. Il y a un annonceur officiel. Mm-hmm. Enfin voilà. Bah c'est... Ça... J'avais compris ce principe non plus mais bon. Bah c'est pas comme s'il avait un nom à rallonge quoi en fait. Mais bon. On met un petit coup de pied dans la fourmilière, attention, c'est... Voilà. Chronique engagée. Bah du coup, bah, Ronda Rousey, hein, qui revient d'un congé maternité comme Becky Lynch, et Candice LeRae, qui est la femme de... Johnny Gargano. Autrement appelé... Johnny Wrestling. Ah oui, tu dis aussi, c'est vrai. Pour une fois que je sais mieux que toi. Donc on pourrait les qualifier toutes les trois de guerrières, comme je le disais tout à l'heure, parce que ça impose vraiment le respect, hein, car elles jouent les rôles de femme, de mère et de catcheuse. Toutes trois sont revenues rapidement sur le ring, et je trouve qu'elles sont revenues encore meilleures que quand elles sont parties. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Ah bah, en plus, dans la majorité des cas, si je puis dire, quand une femme, après ça dépend desquelles, mais dans la majorité des cas, comme je l'ai dit, quand une femme a un enfant, son corps se déforme plus ou moins, et ces trois superstars-là ont réussi à retrouver leur forme physique d'avant. Et elles sont même encore plus musclées qu'avant d'avoir un enfant. Voilà, si on compare avant-après, on voit la différence. Donc, je te rejoins là-dessus, ça forge vraiment le respect, n'est-ce pas ? Après Ronda Rousey, on va peut-être faire un petit point là-dessus. Il faudrait vraiment qu'elle travaille son in-ring, à savoir le micro. Je pense qu'un petit séjour au Performance Center, le temps qu'elle fasse une petite pause, ça pourrait lui faire du bien. Je sais pas ce que t'en penses. Ça pourrait, c'est pour ça que récemment il les avait alliés à Shayna Baszler, qui elle est meilleure au micro, pour un petit peu lui servir de garde du corps et de... Vraiment, Shayna Baszler, j'ai jamais entendu parler au micro. Très peu, même quand elle faisait équipe avec Natalia. Oui, mais c'est plus, elle est plus dans le physique aussi, mais comparé à Ronda Rousey, c'est pas pour la tâter, mais comparé à Ronda Rousey, elle est quand même meilleure au micro que Ronda Rousey, qui... Elles sont talentueuses toutes les deux, mais il y en a une qui a un plus par rapport à l'autre. Bah, j'ai vu beaucoup de commentaires sur internet. Il y en a qui râlent que Charlotte, que Charlotte est revenue de nulle part et championne, mais il y en a qui disent ouais, c'est quand même mieux que d'avoir Ronda Rousey. Donc est-ce que la WWE s'est basée sur ça pour remettre Charlotte championne ? Parce que moi aussi, je pense que Ronda Rousey devrait travailler un peu plus en dehors du ring, mais de là à remettre Charlotte. Bon. Wouh! Du coup, on est à 35 minutes d'émission. Voilà. Donc, la championne la plus connue qui a été, qui est malheureusement pour nous, Charlotte Flair. Super. Wouh! Voilà. Du coup, bah non, elle devra bientôt revenir, puisqu'elle est déjà revenue. Voilà. Et elle ne reviendra pas au Royal Rumble comme on avait écrit sur notre âme, puisqu'elle est revenue à SmackDown Live la semaine dernière. C'est ça. Mais Laura, c'est quand le Royal Rumble du coup? Ça sera le 28 janvier 2023, mais ça se passera où, Chris ? Eh bien, ça se passera à l'Alamo Dome, à San Antonio, au Texas. Texas, la terre de Stone Cold Steve Austin. Entre autres. Alors, Chris, qui, selon toi, mériterait d'être la championne de SmackDown Live s'il n'y avait pas Ronda Rousey ? Pour moi, après, je vais peut-être pas être très objectif, mais pour moi, Liv Morgan mériterait d'être la championne, car je trouve, à titre personnel, que son ancien règne a été trop éphémère. Et j'aurais aimé en voir davantage. Voilà, c'est mon avis. Et puis elle est très talentueuse également. Elle s'améliore de semaine en semaine. Donc pour moi, je suis un peu resté sur ma faim lors du règne de Liv Morgan. Elle méritait d'être championne un peu plus longtemps. Et toi, Laura, qui aimerais-tu ? Bah, je te rejoins sur Liv Morgan, mais je pense qu'en fait, elle devrait encore être plus mise en avant pour avoir vraiment l'étoffe d'une championne. Parce que quand tu mets quelqu'un comme ça de temps en temps en avant, c'est pas très crédible de la mettre championne par la suite, même si elle a beaucoup de talent. Ce qui serait crédible, c'est de la faire de la mettre un peu plus dans les matchs télévisés, pas qu'en live event. Ouais, et puis cela dit, t'en as bien une qui a été absente pendant plusieurs mois et puis elle est revenue à peine les championnes, quoi. Wouh ! Voilà, bref. Ça va faire ça tout le long de l'émission. Alors du coup, j'avais pensé que si Sasha Banks revient, mais à savoir que son contrat est complètement cassé et qu'elle est partie catcher à la New Japan. C'est ça. Et j'ai vu quelque chose ce matin, comme quoi Naomi irait aussi. Donc est-ce que c'est uniquement pour un match ou est-ce que c'est pour un certain moment ? Je ne sais pas. Je pense que ça serait assez compliqué en sachant que c'est Jimmy ou Jay, son mari ? Jimmy ? De Naomi ? Mmh ? C'est Jimmy. En sachant que Jimmy est actuellement à SmackDown ? SmackDown Live avec Roman Reigns. Bah, ils sont un peu sur les deux shows, en vrai, parce qu'ils ont les deux ceintures. Ouais. Ça sera un peu compliqué d'être un peu un au Japon, un aux États-Unis, sachant que les États-Unis c'est super grand. Donc, comme ils font des tours toute l'année. C'est vrai. Après, ça regarde que, j'ai envie de te dire. Mais bon, c'est. À voir, ouais. À voir. Et ouais, c'est ça, Sacha qui va bientôt débuter au Japon, la New Japan Pro Wrestling, qui est du coup la plus grande fédération japonaise de catch. Voilà, c'était une petite anecdote. Merci pour cette petite anecdote. Je voulais dire aussi, du coup, je crois que Sasha Banks va catcher au Japon quelques jours avant le Royal Rumble. Si je dis pas de bêtises, c'est mi-janvier, je crois. C'est possible, j'avoue que j'ai pas l'info. On vous dira ça après la pause ou après la lors de la prochaine émission. Moi, là, bien sûr. Mais en fait, ce qu'on reproche tous les deux à la WWE, c'est souvent les mêmes stars mises en avant. Donc si Sasha Banks revient, bah ça fera un peu comme une Charlotte Flair. Peut-être pas aussi flagrant, peut-être pas aussi brute, mais ça fera pareil. Je pense. Mais Sasha Banks, pour moi, elle reviendra pas. Mais on pourra peut-être en parler un peu plus tard dans l'émission. On pourra. Voilà. Mais une question me vient en tête. Est-ce qu'on peut parler des anciennes ceintures féminines, à savoir la Women's Championship, et puis je commence à avoir un super accent anglais, qui a disparu en 2010, et le Divas Championship... C'était trop beau. Et le Divas Championship disparu en 2016. Et il y a un titre que tu vas prendre plaisir à nous parler parce qu'il y a une de tes catcheuses préférées dedans. Je te laisse ta parole. Tout à fait. Eh bien, ça va être l'occasion là de nous replonger dans nos souvenirs catchesques. Si je puis dire, il faut déjà savoir que le Women's Championship de l'époque a été créé en 1956 et a disparu en 2010. La première championne, c'était The Fabulous Moolah, qui a détenu la ceinture pendant 27 ans. 10 mois et 5 jours, ce qui en fait, pour vous douter, le règne le plus long, alors que le règne le plus court est détenu par Mickie James, qui a été championne pendant, attention, tenez-vous bien, moins d'une heure. Le plus grand nombre de règnes est détenu par Trish Stratus, qu'elle a eu à 7 reprises. Et monsieur a les yeux qui brillent. Tout à fait. Il est content d'avoir eu ma petite photo dédicacée. Tout à fait. Qu'il a accrochée dans sa chambre. Non. Il l'a mis dans un livre avec, vous savez, les feuilles plastifiées dans les classeurs. Exactement. C'est vrai ? Alors, on ne peut pas parler de Trish sans parler de ma chouchoute, Lita. Hein, chacun son combat, hein, comme on dit. Elles ont... elles qui ont une célèbre rivalité pour ce titre et qui ont révolutionné le catch féminin. D'ailleurs, il y a beaucoup de catcheuses qui se sont inspirées de Lita et de Trish Stratus. Est-ce que je prononce bien aujourd'hui ? À savoir que dans les années 2000, au départ, Trish, elle n'a pas combattu tout de suite. Hein. Elle a été manageuse, valet, de l'équipe TNA qui était composée de Test, hein, qui est décédé, salut la mémoire, on dit, bon, il y a beaucoup de morts quand même. Oui. Et Albert, qui, enfin, ça faisait appeler Albert, E-Train et Tensai, je crois. C'est ça. Et qui travaille au Performance Center, mais je crois que c'est Matt Bloom. Matt Bloom. Voilà. Mais Laura. C'est quoi le Performance Center ? Alors le Performance Center, c'est un centre où tous les jeunes talents qui vont être intégrés, on l'espère pour eux, à Raw, SmackDown ou NXT. Et on va parler de la fille de The Rock qui fait partie du Performance Center et qui est arrivée à NXT. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire là-dessus ? Oui, j'avoue que je sais qu'elle a intégré le clan The Schism, je sais pas comment ça se dit en anglais, pour une fois. Et je sais plus son... Ils m'ont donné un nom de ring. Elle a débuté dans ce clan pour du coup se faire déjà un petit peu d'expérience, même si elle a son père qui était très talentueux, qui était un grand catcheur à l'époque. Et du coup, elle commence à faire ses premières armes du côté du show jaune. The Rock, la fille de The Rock, qui vient d'une lignée de catcheurs parce que son grand-père s'appelait. Son grand-père, je crois que c'était Peter Maivia. T'avais. Attends, le grand-père de qui ? Le père de The Rock. En fait, il a. Voilà, Rocky Johnson. Rocky Maivia. Voilà, je sais bien. Rocky Maivia, c'est le père de Johnson, donc le grand-père de Simone, je crois qu'elle s'appelle en vrai. Et le grand-père de The Rock, c'est. Pete Johnson ou quelque chose comme ça, je dis peut-être. C'est une grande famille de catch, un peu comme les Hanoi et les Fatou. C'est ça, donc c'est les Johnson, c'est une grande lignée. Et puis du coup, la fille de The Rock qui en est l'héritière pour l'instant, et peut-être que quand elle aura un enfant à son tour, la lignée continuera. Un catcheur qui catche à l'AEW, qui a longtemps catché à la WWE, qui s'appelle Billy Gunn. Oui. Ses deux fils cachent à l'AEW avec lui. Oui, Austin et Colton. Mm-hmm. Ils sont d'ailleurs en rivalité actuellement, les trois ensemble. Il y a les deux frères qui sont alliés contre le père. T'as raison. Bien. Billy Gunn qui a eu plusieurs gimmicks hein, dans la Degeneration X. Degeneration X. Voilà. Qui se faisait appeler Mister Ass. Il avait un joli petit slip avec des petits cœurs et puis bougeait ses fesses comme ça. Oui. Après, il a eu Billy et il faisait un duo avec Chuck. Donc c'était Billy and Chuck. C'était un couple d'homosexuels, je crois. Ils se sont mariés. Oui. Ils se sont mariés pendant un show. Voilà, bah après c'est la WWE, des fois ça part un peu en vrille, mais bon, c'est bien, il faut tout pour faire un monde, hein. Mm-hmm. Voilà. Donc du coup, je me suis égarée. Un petit peu. C'est pas grave, Radio Catch est fait pour ça, c'est voilà. Pour vous faire découvrir des choses aussi. Donc on peut pas parler de Trish Stratus sans parler de Lita. Alors, Trish Stratus a été heel hein, pendant une grande partie de sa carrière, au plus grand bonheur de Chris. Oui. Tandis que Lita a été longtemps face, hein, jusqu'à ce qu'elle effectue un heel turn avec Edge dû à un conflit dans sa vie privée. Donc pour faire un bref topo, hein, j'en avais parlé lors de la première émission, mais ceux qui n'étaient pas là, je vais faire un petit résumé. À savoir que Lita, dans la ville, est avec Matt Hardy, qui catch à la WWE. Ils sont formés un couple aussi bien à la ville qu'à l'écran en 2001. Mais voilà, c'est ça. Bon, ils se sont séparés dans les shows télévisés, mais dans la vraie vie, ils étaient encore ensemble. Enfin bref, voilà, on va pas s'étendre là-dessus. Et du coup, pendant que Matt Hardy était blessé au genou, Adita était toujours sur la route avec Edge et puis ils se sont rapprochés. Ils ont eu une aventure, même s'ils n'étaient pas mariés, Matt et Adita, on va dire extra-conjugale. Voilà. Matt a découvert ça par le téléphone de Adita. Il ne faut jamais laisser traîner son téléphone. Et en fait, sur la messagerie vocale, Edge disait « Je t'aime, tu me manques ». Alors lui, il a pété un boulon. Et à savoir que Matt Hardy tenait un site internet où c'était un peu comme les blogs, hein, un peu comme les directs sur Facebook, voilà. Un réel où il révèle tout ce qui s'est passé. Du coup, tout le monde a détesté Lita, tout le monde a détesté Edge, et à savoir que Matt Hardy s'est fait virer aussi, parce qu'il voulait pas enlever ça de son site. Mais après, les fans ont fait qu'il est revenu, mais il a gardé son site, mais il a dû enlever cette vidéo. Voilà, et comme on disait dans une précédente émission, même si ça date d'il y a 20 ans, plus de 20 ans maintenant, il y a encore des gens dans 2005, la rue... 2005, ouais. Ouais, 2005. Donc ça fait pas plus de 20 ans, ça fait... 18 ans. Voilà, 18 ans. Pour une fois que j'ai compté. Oui. Et y a encore des gens qui s'amusent à clasher, entre autres, Lita dans la rue. À lui reprocher le fait qu'elle ait trompé Matt Hardy il y a 18 ans de ça. Voilà. Voilà, l'intelligence de l'espèce humaine. Ouais, c'est ça, mais surtout que la plupart des gens, il y en a qui étaient pratiquement pas nés et qui regardaient pas le catch. Bon. Mais peut-être qu'ils se sont plongés dans l'histoire en regardant sur le network, va savoir. Peut-être, mais bon. Après Lita en heel, c'était pas trop mal quand même, je dois dire, parce que j'ai regardé un peu sur le network justement. Edge en heel, je le vois plus. Il a plus de carrure et de prestance en heel qu'en face, je sais pas ce que t'en penses. Après, en face, il est très bon aussi parce qu'il a toujours cette connexion avec le public. Après, c'est vrai qu'en heel, en fait, moi je sais pas, j'ai du mal à le voir heel. Pour moi, Edge est fait pour être face, pour être avec les fans. Après, heel, il se débrouille très bien aussi, mais je sais pas, j'ai une petite préférence pour son côté face que son côté heel. Est-ce qu'on pourrait dire que Edge, il peut faire un espèce de twinner turn à Lady Guerrero, se faire huer, mais en même temps adoré par les fans? Oh, c'est possible. Hein. C'est fort probable. Voilà. Donc, du coup, Lita, avec l'histoire de Matt et Edge, elle est devenue heel, hein, dû à dans leur vie privée. Mm-hmm. Ce que je viens de dire n'a aucun sens, mais c'est pas grave. Donc, du coup, il est temps de laisser la parole à Chris, qui va vous dire quelques mots sur le Divas Championship, et je sais que ça va te faire plaisir. Évidemment. Alors, ce titre a été créé en 2008 et a disparu en 2016. La première championne de ce titre était Michelle McCool, la femme de... The Undertaker, rest in peace. Voilà. Le règne le plus long appartient à Nikki Bella avec 301 jours. Et le règne le plus court appartient à Jillian Hall avec le record de 4 minutes 30. Et on peut aussi dire que deux catcheuses se partagent le record du plus grand nombre de règnes, Eve Torres et AJ Lee, avec 3 règnes. AJ Lee qui était très talentueuse avec sa prise de soumission, ça faisait un peu la luchador, je trouve. Ouais, je crois qu'à la base c'est une prise de lucha libre. Et c'est comment, je sais plus comment elle l'appelait, la Black Widow ou quelque chose comme ça. C'est ça, la Black Widow, ouais. Voilà, ouais, c'est, je sais pas, pour l'expliquer ça va être très compliqué. On vous laisse regarder sur YouTube, vous mettez Jelly Black Widow et puis vous trouverez facilement. Et je voulais juste dire un truc sur Jillian Hall. Si vous allez sur YouTube, vous la voyez arriver sur le ring en chantant avec une voix de crécelle. Ah oui. Il y a Trish Stratus qui arrive, qui elle lui dit vas-y c'est mon moment, barre-toi du ring. D'un coup il y a Lita qui arrive Puis elles se regardent comme, c'est comme quand elles étaient en rivalité dans les années 2000. Elle regarde Tal, elle dit vas-y, défonce-la. Lital fait style qu'elle va la taper, puis en fait elle se retourne, il la pousse toutes les deux. Il la chicle du ring. Ah bon. Non, mais sur Gyllenhaal, elle avait un personnage un peu bizarre. Du coup, Chris, avant de poursuivre, est-ce qu'on devrait pas peut-être mettre une petite pause musicale histoire que les auditeurs se reposent un peu et reprendre après ? Ouais, parce que là on parle depuis 45 minutes. Oui, donc on va vous laisser vous reposer, voilà. On a soif. Du coup, on va écouter CFO, signe du dollar. CFO avec Dylan Owen et la chanson intitulée This Life. C'était donc cette vie, hein, c'était la musique de SmackDown en 2014. Donc, du coup. A tout de suite sur RGM. Vous êtes de retour sur Radio Gamozo, vous venez d'écouter CFO, avec le signe du dollar, avec Dylan Owen et leur titre This Life, qui était le générique de SmackDown en 2014. Et nous sommes repartis pour ce troisième numéro de Radio Catch, où on a eu le temps de respirer un petit peu, de s'hydrater, de manger un bout pour certaines personnes. On salue Marjolaine. Voilà. Avant la pause musicale, nous parlions des championnats féminins de SmackDown Live. Donc, par où veux-tu poursuivre, Laura ? Ah, du coup, comme on parlait du Divas Championship, est-ce que tu aurais quelques mots à nous dire sur une catcheuse, une chanteuse pas du tout, non. Une catcheuse qui avait un gimmick gothique à l'époque ? Alors, du coup, j'imagine que tu veux parler de, à l'époque, Paige, elle se faisait appeler Paige. Maintenant, du côté de AEW, elle a la première partie de son vrai prénom, elle se fait appeler Saraya, du coup, parce que son prénom c'est... Ah, Saraya. Saraya Jade. Voilà, donc elle a également été championne. Elle a eu une grande rivalité avec AJ Lee à l'époque pour notamment la ceinture des Divas. Et elle a été championne. Elle a été très. Très un règne parfait, j'ai envie de dire. Voilà, c'était vraiment. Elle aussi, elle est passée par plusieurs gimmicks. Toujours ce gimmick un peu gothique, mais face et heel. Elle s'en sortait beaucoup mieux en heel. Même si là, du côté de AEW, elle est très bien en face aussi. Mm-hmm. En fait, c'est le genre de personne qui peut tout faire. Voilà, c'était une très bonne championne. Et puis, leur rivalité entre AJ Lee et elle était une très bonne rivalité. Également, c'était du nectar pour les yeux. C'est très, très poétique. Saraya, qui est le nom de scène de sa mère, il me semble, qui catch dans les... Parce que c'est pas... À savoir que Paige... Oula, ça va. Que Paige est britannique, si je dis pas de bêtises. Ouais, elle est anglaise. Et ses parents ont une école de catch et sa mère, c'est son nom de ring, c'est Saraya, je crois. Sweet Saraya. Sweet Saraya. En fait, elle est issue aussi d'une famille de catcheurs. Son frère. Ils catchent tous, les deux frères, ils catchent. Et d'ailleurs, il y a un de ses frères qui est apparu à l'AEW quand elle a fait son premier match. Voilà. Zach Zodiac. Ça, c'est ça. Sa mère, elle catch, ou elle catchait, je sais pas. Je l'avoue, je ne suis pas trop la carrière de sa mère. Elle catchait son père. Son père a catché aussi. Voilà. Une grande famille de catcheuses. Et je me demande s'il n'y en a pas un de ses frères qui est décédé. Pas que je sache. Il me semble qu'elle a deux frères. Deux frères, il y en a un qui a fait de la prison. Ah, c'est peut-être ça. Ouais. Et vous savez comment je sais ça et que je dis à Chris de regarder? Ça s'appelle un film qui s'appelle Fight with My Family, plus communément appelé en France Ma famille sur le ring, je crois. Quelque chose comme ça. Que je dis à Chris, faut que tu regardes. Oui, oui, tu verras quand tu vas regarder. Tu vas être content. Mm. Et c'est adapté de. Parce qu'à la base, je crois que. Oui, c'est The Rock qui a voulu faire ça parce que. Paige, j'avais parlé de ça dans. Il y avait une émission de télé-réalité sur les divas, je crois, et c'est là qu'elle a parlé de ça. Et du coup, The Rock a voulu en faire un film. Et Chris, il faut que tu le regardes. Je te l'ordonne. Je le regarderai un jour. Donc du coup, on parlait de Edge Lee tout à l'heure, et de Saraya, mais pas du tout, parce qu'elle était à Paige. Et savoir qu'elle a choisi son nom de ring, Paige, est-ce que tu sais pourquoi? Là, tu me poses une colle. Eh bien, je suis bien contente. Parce qu'en fait, Paige était fan de la série Charmed. Et elle faisait partie. Paige est une sœur à Liwell. D'accord. On ne va pas s'étendre sur la série parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais Paige est son personnage favori de la série. Et elle a choisi son nom de ring pour ça. Voilà. Et du coup, je rajoute certaines choses. Donc, c'était en 2014, d'ailleurs, que Paige est devenue la nouvelle championne des divas de la WWE en battant AJ Lee, la femme de CM Punk, remportant le titre pour la première fois de sa carrière et devenant du coup la plus jeune catcheuse de l'histoire à gagner le titre. 16 soirs plus tard, à NXT, le titre féminin du coup de NXT lui est retiré à la suite du récent titre qu'elle a remporté, mettant ainsi fin à un règne de 308 jours. Le 4 mai à Extreme Rules, voilà, je donne des dates précises, comme ça vous pourrez vous retrouver facilement, j'espère. Elle conserve son titre en battant Tamina Snuka, la fille de Jimmy Snuka. Voilà. Le 1er juin à Payback, elle conserve son titre en battant Alicia Fox par soumission. Le 29 juin à Money in the Bank, elle conserve son titre en battant Naomi. Et le lendemain à Raw, elle perd face à AJ Lee, ne conservant pas son titre et mettant ainsi fin à un règne de 84 jours. Elle avait pas fait une alliance avec Tamina Snuka, mais on l'appelle Tamina maintenant. Je crois qu'il y avait Sasha Banks, Tamina et Paige. Attends, je ne sais plus. J'ai un gros doute. Je sais qu'elle a fait une alliance avec Charlotte et Becky Lynch. Oui, ça, oui. Je crois. Mais si, ça me dit quelque chose que. Ou alors c'était peut-être Naomi. Avec Naomi, Tamina et. Je sais plus. Mais enfin bref, Tamina et Jilly, c'est sûr, elles ont fait quelque chose. Mais tu parlais d'Alicia Fox, elle est partie dans les oubliettes direct. Elle était talentueuse, mais c'était une très bonne. Elle avait un très bon selling, elle vendait très bien les prises. Ça, c'est une un de ses talents et de ses qualités. Mais j'avoue que je ne sais pas où elle est passée maintenant. Dans les vestiaires. Certainement, je suis même passé encore à la WWE. Donc, Si, je crois qu'elle y est toujours, mais elle est un peu aux oubliettes. Je pense qu'elle est en train de ramasser les mégots de cigarettes. Ouais. Ah, il y a des chances. Mais à savoir qu'Alicia Fox a été entraînée par Booker T. D'ailleurs, on peut reconnaître sa prise de soumission, c'est une prise de ciseau de tête. Ouais, enfin, c'est même pas une prise de soumission, c'est une prise de ciseau. Le coup de pied en ciseau. Ouais, c'est ça. Mm-hmm. Voilà. Donc du coup, on va peut-être pas relancer une pause musicale tout de suite, on va attendre un petit peu. On va attendre un petit peu et du coup, je te propose maintenant de parler des ceintures les moins importantes du show bleu. Savoir les titres par équipe qui sont détenus par les frères Uso qui détiennent ces ceintures depuis le 18 juillet 2021. Avant, c'était Rey et Dominique Mysterio qui les ont gardés pendant 2 mois et 2 jours, qui ont été les premiers champions père-fils, à savoir que les Uso ont les titres unifiés depuis un certain moment. Voilà, mais Laura, ça veut dire quoi les titres unifiés? Ça veut dire qu'ils ont les titres par équipe de Raw et SmackDown Live, les deux shows principaux, les plus télévisés. Mais il est temps que. Ben c'est un peu comme leur cousin, hein. Un peu comme Roman Reigns. Je pense qu'il est temps, même s'ils sont très talentueux, ça, on ne met pas en question, mais je pense qu'il serait temps de leur faire perdre les ceintures pour qu'ils puissent s'orienter vers d'autres choses et pour du coup donner leur chance à d'autres superstars, car certes ils sont très talentueux, mais bon, comme on en a déjà parlé avant, voilà, ouais. c'est des très bons règnes, mais c'est des très bons et aussi des très longs règnes, donc je pense qu'il serait temps un petit peu de tourner la page et de passer au chapitre suivant. Ah, ça me fait penser quand t'as dit tout à l'heure qu'il y avait une femme, le règne le plus long, 27 ans. Oui, Fabulous Moula. Voilà, déjà là, Roman Reigns, plus de presque 3 ans, on n'en peut plus. Donc 27 ans, c'est plus vieux que toi déjà. Oui, et puis même 27 ans, Roman Reigns, dans 27 ans, il aura... Peu importe son âge, tu me diras que Fabulous Moula, elle a été championne et elle avait 60 ans, si c'est pas plus. Donc bon. C'est une autre époque. Voilà. Du coup, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter sur les titres par équipe? Bah, on peut aussi ajouter que ces titres par équipe de SmackDown Live ont été créés le 23 août 2016. Voilà. Ça fait déjà 7 ans donc. J'ai du mal à me dire que qu'on est en 2023. Oui, bah oui. Alors d'ailleurs, je voulais, comme on parlait de Dominique et Rey Mysterio, je voulais faire un petit point pour parler de Thanksgiving et du coup on peut rebondir sur Noël, hein, du coup. Aussi. Donc pour Thanksgiving, Dominique et Rhea Ripley sont intervenus dans la maison familiale pour attaquer Rey. Personnellement, j'ai trouvé que c'était un peu comme un vieux film de série B, hein, ou un navet, comme on dit plus grossièrement. Ouais. Donc ça se voyait que tout le monde était préparé et ça, on savait ce qui allait se passer. Hein, et pourtant, on a eu l'impression que ça a été fait un peu à la va-vite. C'est même pas une impression, mais pour moi, c'est une certitude. En plus, on voit bien qu'en ouvrant la porte, Rey Mysterio réajustait son masque. Voilà, il réajustait son masque parce que du coup, comme je crois qu'on en a déjà parlé pendant le premier numéro, Rey Mysterio est américain mais d'origine mexicaine. Les catcheurs mexicains, ce qu'on appelle les luchadors, ils ont une tradition, enfin c'est dans leur culture en fait, les catcheurs sont quasiment tous masqués. Il y a d'ailleurs même des prêtres ou des curés au Mexique qui sont masqués. Ça fait partie de leur culture. Et donc du coup, si on leur enlève le masque, c'est comme pas une trahison, mais c'est... la déchéance, quoi. Mm-hmm. On leur enlève le masque, c'est... Voilà, c'est... Voilà. Donc du coup, qu'est-ce que tu as pensé de ce segment, toi? Alors, ce segment, bah, je te rejoins là-dessus, c'était... Je l'ai également trouvé que le segment était un petit peu beaucoup mal fait. Voilà, pourtant, Rey Mysterio, c'est mon catcheur préféré, hein, donc quoi, ça n'empêche pas d'être objectif. C'est vrai que les talents d'acteur de chaque protagoniste étaient un petit peu ratés, et je dis ça, voilà, comme... Alors que Rey Mysterio, c'est mon idole depuis toujours, et... On peut rebondir, comme tu l'as dit, sur Noël. Il y a exactement eu la même, plus ou moins le même segment. Cette fois-ci, comme par hasard, des policiers passaient par là et ont embarqué Dominique dans leur voiture. Et un petit segment qui est apparu à Raw lundi soir, c'est qu'on voyait Dominique qui était en prison. Voilà. Ce qui m'a fait rire, c'est que ça ressemblait à un vieux clip de R&B. Voilà. Bah, c'est ça, et puis le truc, c'est que... En fait, c'est peut-être triste à dire... Mais je trouve que cette storyline, cette rivalité, ça se transforme de plus en plus en comédie wrestling, et c'est dommage. Bah surtout que ça a aucun sens parce qu'ils sont plus dans le même show, je vois pas l'intérêt en fait. Voilà. Les auditeurs n'ont pas vu, mais j'ai haussé les épaules. Même moi j'ai pas la réponse donc. Ce qui est bon à savoir, c'est que Chris et moi on écrit. Donc si la WWE veut engager des scénaristes, on est preneur. Voilà, on aura peut-être des meilleures idées sur certains points. Voilà, et à mettre des catcheurs plus en avant et d'autres plus en retrait. Voilà. Charlotte, wouh, tu dégages. Non, je rigole. Ouais. Non, mais t'auras ton titre en moins. Voilà, c'est ça surtout. Alors, lors de notre émission précédente, nous avions dit que Dominique n'était pas très convaincant dans son rôle de heel, et c'est vrai, hein. De méchant donc, mais maintenant au fil des semaines, on constate qu'il prend de plus en plus confiance en lui, et je pense que Rhea Ripley y est pour beaucoup. Je suis également d'accord sur ça, et pas seulement Rhea Ripley, également parce qu'il est en alliance avec Damian Priest et Finn Balor. Et du coup, je pense qu'il l'aide beaucoup aussi dans les coulisses, que ce soit pour qu'il s'améliore au niveau de son in-mic, son talent au micro, ou son niveau in-ring, donc c'est son talent sur le ring. En plus d'être une équipe, je pense qu'il joue aussi quelque part les rôles de coach, en fait, genre l'ancienne génération plus ou moins, qui entraîne et qui donne des conseils à la nouvelle génération pour qu'il se débrouille le mieux possible et pour qu'il soit le plus convaincant possible, quoi. Il y a beaucoup de travail, mais on voit que ça s'améliore. Oui, ça s'améliore. Au moins, ça s'améliore, c'est vrai. Et que c'est. Ça va de mieux en mieux. Après, je pense que Finn Balor est l'un des piliers de l'équipe. Hein. C'est un vétéran. Et il a déjà une longue carrière derrière lui. Il a catché sur dans des grandes fédérations au Japon. Notamment. Avec AJ Styles. Mmh. Notamment, oui. Il avait fondé le Bullet Club. si je dis pas de bêtises, avec Luke Gallows et Karl Anderson. Ouh là là, culture. Waouh. Impressionnant. Alors je pense hein, que Finn Balor, il aide toute l'équipe et pas seulement Dominic Mysterio, il a vraiment l'âme d'un leader. Hein. Mais à la base, il faut savoir que pour ceux qui ne savent pas, parce que c'était l'année dernière je crois que ça s'est passé, que Edge était à la tête du clan, c'est lui qui l'a fondé, et il s'est fait éjecter par Finn Balor. Hein. Personnellement, je préférais quand c'était Edge qu'on était le leader, et toi du coup, t'en penses quoi? Alors, c'est vrai que Edge a un petit peu plus d'expérience que Finn Balor sur le ring, même si Finn Balor a quand même une belle carrière derrière lui. Ils auraient pu, je pense, en apprendre encore davantage avec Edge, mais cela dit, en vérité, l'idée aurait été la même, puisque que ce soit Edge ou Finn Balor, c'était quand même eux qui ont le plus d'expérience par rapport aux autres membres du clan, donc c'est, voilà, ça se joue vraiment sur le nombre d'expériences des deux. Bah, en plus, grâce à l'expérience de l'un ou de l'autre, Dominic aurait quand même gagné en expérience grâce à leur vécu et leur carrière respective, pour notamment attirer l'attention du public pour se faire huer. En ce moment, ça marche vachement bien. Oui. Alors, c'est le principe heel de Edge et Rey Mysterio dans la vie. Ils sont très amis depuis longtemps. Donc, Edge a vu grandir Dominic. Ça aurait pu également jouer avec ça. Hein. Mm-hmm. Est-ce que tu penses que Edge a été éjecté du groupe pour avoir plus de temps libre pour lui et sa famille? Bah, je pense que c'est envie, hein, parce que c'est une envie qu'il a lui-même. Donc, je pense que cette envie a quand même pesé dans la balance parce qu'il a une femme, Beth Phoenix, et deux filles, je crois. Oui. Et donc... ces deux filles qui sont encore assez jeunes, hein, la plus grande elle a 9 ans, la plus jeune elle en a 6. Donc c'est normal selon moi qu'ils veuillent passer du temps avec elle et avec Beth Phoenix du coup. Voilà, pour la famille, pour pas qu'elle soit dissoute, enfin pas vraiment dissoute, mais disons que quand t'as des enfants en bas âge comme ça, t'as besoin de voir tes parents, déjà qui font un métier qui est hors du commun. C'est vrai. Ils sont souvent sur les routes. Mmh. Donc ce qui veut dire que les enfants, elles voient pas beaucoup leurs parents. Donc Beth Phoenix, elle est... Il y en a qui disent qu'elle est en retraite, et puis j'ai vu un truc sur internet comme quoi elle est pas du tout en retraite, c'est vraiment, ça c'est même pas du temps partiel, elle revient de temps en temps. Pour moi, elle est toujours en activité, même si on la voit très peu souvent. Mais c'est vrai, quand t'as des enfants en bas âge comme ça, c'est pas facile de concilier le catch et ta vie de famille. Bien sûr. Et donc c'est pour ça aussi que je pense que la WWE a mis en place un segment dans lequel Edge finit blessé. C'est ce qu'on appelle le kayfabe, hein, c'est le faux en fait. Ouais, c'est voilà. Ce qu'on parlait tout à l'heure. Voilà. Et je crois même qu'il devait tourner une série Percy Jackson and the Olympians, ou en français Percy Jackson et les Olympiens. Il jouera le rôle d'Arès, le dieu de la guerre, dans un rôle d'invité récurrent. Donc il n'aurait pas pu concilier non plus tout ça en même temps. Cette série, sa famille, son métier de catcheur, ça aurait été beaucoup trop de charge mentale, hein, je pense qu'on peut le dire. Il y a aussi son âge qui joue, il a 49 ans. Donc pour être sur un ring, ça commence à se faire vieux, même s'il y a encore des catcheurs qui catchent encore à 60 ans passés. Je pense notamment à Sting. Sting qui manage plus du coup maintenant à la WWE, d'après ce que tu m'as dit. Parce que moi je regarde pas la WWE, à savoir que quand on a créé cette émission... On avait prévu que Chris parle de la UW. Ça viendra. Ça viendra un jour. On fait pas de promesses parce que c'est pas facile de les tenir. Mais déjà là, quand on parle de la WWE, ça prend énormément de temps. Ouais. Donc voilà. Et je voulais juste rebondir sur l'âge de Edge. À savoir que Matt Hardy a le même âge et il catch à plein temps. Donc l'âge, ça joue pas vraiment. À plein temps, plus ou moins. Parce qu'il est du côté de la UW, mais on le voit pas toutes les semaines. Ou alors, il apparaît, mais il catch pas toutes les semaines. Ah bon? Donc voilà, on fera un petit point W un jour pour ça. Voilà, mais c'est vrai que Matt Hardy est plus en activité que Edge. Si je puis dire, il catch encore de temps en temps, mais ça devient de plus en plus rare. Sa femme est catchée aussi à Matt Hardy. Aussi, mais pas énormément de temps. Voilà, maintenant elle est plus du côté des réseaux sociaux. Elle s'occupe de leur famille également. Et aussi des shootings photos et choses comme ça, parce qu'elle est aussi modèle photo, mannequin. Donc elle est plus. Et puis elle a même une chaîne sur Twitch. Voilà, crois. C'est ça. Donc bon, voilà, elle ne catche plus non plus. Ou alors très rarement, genre une fois toutes les 36 février. Quoi. Bah, Rebby Sky, elle s'appelait, je crois, Cocktail Catché. Et c'est Rebby Hardy. Oui. Et si vous la suivez sur Insta, elle lance quelque chose avec leur fille qui s'appelle Ever Moore Hardy, le Gothic Baby. Oui. Ouais, c'est un peu. Enfin, c'est un concept, hein, en gros, pour. En fait, elle plonge sa fille dans le monde de la famille Adams, on va dire ça comme voilà, ça. C'est un peu ça. Dans le monde gothique. Elle lui lit des livres d'Edgar Poe, à savoir que Edgar Poe, il me semble que c'est des histoires qui font peur. Et que Evermore, elle doit avoir un peu plus d'un an, voilà. Déjà. Oui, donc bon. Bon, c'est pas grave, hein, elle sera préparée avant les autres. Voilà. Donc, bah, je vous propose maintenant de nous réintéresser au championnat individuel de la branche bleue et au championnat intercontinental actuellement détenu par Gunther, qui se faisait appeler Walter quand il était du côté de NXT UK, qui a été dissoute hein, il y a quelques mois. Il devrait y avoir à la place un NXT Europe, mais on ignore quand. Dommage d'ailleurs. On espère que Amal, notre représentante française, on est très fiers qu'une catcheuse française ait été à la WWE. Tout à fait. On espère qu'elle en fera partie. Et ben, je pense qu'elle l'espère aussi. Ouais. Alors, Chris, hein, comme tu aimes bien donner des infos précises aux auditeurs, je te redonne la parole. Vas-y. On t'écoute. Donc, ce championnat intercontinental existe depuis le samedi 1er septembre 1979. Ça fera 53 ans en septembre. Je crois, si on a bien calculé. Mm-hmm. Ben non, 54 ans du coup. Vu qu'on a écrit cette trame, on est encore en 2022. Oui, mais ça fera toujours 53 ans parce qu'on est qu'au mois de janvier. Ça fera ça. Oui, t'as raison, 53 ans en septembre. 54 ans, 53 ans. Oh non, 2023, le titre a été créé en 79, donc ça fait 54 ans. Ça fait 53 ans, 54 ans en septembre, voilà. On va dire ça. Donc le premier catcheur à avoir détenu ce titre était Pat Patterson, dont on salue la mémoire, hein, voilà, pour une fois qu'on parle d'un catcheur décédé. C'est d'ailleurs lui qui est à l'origine du concept du Royal Rumble match. On vous en parlera d'ailleurs. Et le champion au règne le plus long est le Honky Tonk Man, avec un règne de 1 an, 7 mois et 27 jours, soit beaucoup moins que Roman Reigns. Entre autres, je sais pas s'il a déjà été champion intercontinental, Roman Reigns. J'ai un doute. Je crois que si. Ah, c'est possible. On vérifiera après la pause. Voilà. Et donc, les champions au règne les plus courts sont Chris Jericho et Dean Douglas, avec des règnes d'environ 10 minutes. D'ailleurs, c'est aussi Chris Jericho qui a le record du plus grand nombre de règnes pour ce titre, avec 9 règnes. Il a été le premier à être double champion, champion de la WWE et champion du monde poids lourd de la WCW. Chris Jericho qui est du côté de AEW maintenant. Mais Laura, c'est quoi la WCW ? Alors, la WCW, est-ce que tu veux que je la dise à l'anglaise ? WCW ? Merci de m'avoir... Et ça veut dire quoi ? C'est une fédération concurrente de la WWE. Oh, c'est World. Attends. Non, du coup, je sais pas, donc je vais pas répondre à cette question. Ok, super. C'est vrai qu'on n'a pas cherché ce que ça voulait dire. World Championship Wrestling. Voilà. Bon, merci d'avoir répondu à ma question. Voilà. Donc, la WCW, c'était une fédération concurrente de la WWF qui a existé de 88 à 2001. 2001 étant l'année où la WCW a été rachetée par Shane McMahon, hein, ce qui a permis de la rallier à la WWF, l'ancêtre de la WWE. Est-ce que tu sais pourquoi ils ont changé Federation en Entertainment ? Peut-être pour que ça soit plus familial. Peut-être. On regardera ça après la pause. Vous comprendrez donc qu'on ne regardera pas. Donc, ce qui a permis à ce qu'il n'y ait plus de concurrence. Hein. Bah, heureusement que Vince McMahon n'a pas racheté la EW. Ouais. Sinon, il n'y aurait plus de fédération. Donc, en 2001, il y a eu un pay-per-view, parce que ça ne s'appelait pas les PL avant. Ça s'appelait les pay-per-view, et je préfère ce mot pay-per-view, mais bon, hein, on ne fait pas... Voilà. Voilà. Donc, ça s'appelait encore comme ça à l'époque, hein, et ce pay-per-view s'appelait Invasion. On va le dire à la française. Voilà. Donc, Shane était le meneur de l'invasion de la WCW contre la WWE actuellement, qui avait déjà à sa tête le père de Shane, Vince McMahon. Tout à fait. Cette storyline a débuté peu de temps après le rachat de la WCW par la WWF, et les catcheurs de la WCW envahissaient les shows télévisés de la WWF. Et ça me fait un petit peu penser aux storylines avant les Survivor Series à l'époque, il y a quelques années, quand chaque show envahissait les autres shows avec les t-shirts de la couleur de leur show. Je trouve ça dommage qu'il n'ait pas continué, car c'était quand même bien sympa de voir que même si c'était des catcheurs d'autres de la structure, enfin de la branche concurrente, si on veut, qui peuvent quand même travailler ensemble, c'était quelque chose de très, très agréable à regarder, et puis c'était un de mes moments préférés de l'année. Voilà, je dois bien le reconnaître. Mais ça, c'était la petite parenthèse. On va revenir maintenant au championnat intercontinental. Petite parenthèse que je ferme entre guillemets, les Survivor Series 2018, où Becky Lynch est fait péter le nez par... Charlotte. Non, Nia Jax. Nia Jax. Nia Jax, qui a toujours été un peu bourrin et pas du tout, elle safe. Faisait pas gaffe. Elle n'était pas safe, elle était pas... En gros, elle s'en foutait de ses collègues. Limite, les blessés, elles s'en foutaient. Elles les blessaient pas, bon, c'était bien, quoi. C'est un coup de chance. Non, mais c'est ça, en fait. Voilà, elle n'en avait rien à faire. C'est pour ça, je pense aussi qu'elle a été dégagée. Là, c'est justifié, pour le coup. Ouais, tu m'étonnes. À savoir que Becky Lynch a explosé au Survivor Series, même si elle n'a pas pu participer. Quand elle a fait l'invasion, après sa cote, elle a monté de ouf. C'est vrai. Et elle a remplacé Charlotte, elle a pris Charlotte, quoi. Wouh! Super. Bah, du coup, on va revenir au championnat intercontinental. Mm-hmm. Hein, du coup. Bah, au fil des années, le titre a perdu un peu de prestige. Hein. C'est un titre mineur du show. Heureusement, depuis que Triple H est à la tête de la WWE depuis quelques mois maintenant, presque un an déjà, mm-hmm. le titre est beaucoup plus mis en avant. Hein. Il ne fait plus de différence entre les championnats mineurs et majeurs. Chacun a sa propre importance et ça, c'est bien. Ça a permis notamment de mettre en valeur un catcheur comme Ricochet, que j'aime beaucoup, qui moi est aussi. Un high flyer. Ouais. Il porte bien son nom. Hein. Mm-hmm. Donc, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter à ça par rapport au niveau de l'importance de certains catcheurs ou de championnats à l'époque de Vince McMahon et à l'époque actuelle, celle de Triple H? C'est vrai que quand c'était Vince McMahon qui régissait le tout, on revoyait souvent les mêmes choses, que ce soit au niveau des superstars, que des championnats, des rivalités ou encore des storylines, des histoires. Mais même si on ne va pas se le cacher sous l'égide de Triple H, certaines superstars sont quand même plus mises en avant que d'autres. Voilà, on passe à la suite. Hein. Bah, du coup, on va rebondir là-dessus, hein, parce qu'il y en a qui sont un peu trop mis en avant, un peu trop mis et mis en avant. Hein, je pense notamment au Hitro, hein, avec un Superman plancha qui est complètement raté, à savoir qu'il devait faire un salto par-dessus la troisième corde et faire tomber ses adversaires. Il y en a un qui est tombé alors qu'il ne l'a pas du tout touché. Ouais. Parce qu'en fait, dans le scénario du match, c'était Top Dollar qui devait faire. C'était pas un Superman plancha, c'était un. Un topé conilo. Ouais, c'est à peu près le même principe. Ouais, plus ou moins, ouais, il saute par-dessus la troisième corde en faisant un genre de salto. Et du coup, à la base, il devait atterrir sur les superstars qui étaient en dehors du ring. C'est ce que j'ai dit. Voilà. Sauf que, du coup, il les a pas touchés, mais ils sont quand même, comme tu l'as dit, ils sont quand même tombés pour vendre la prise, même si elle était totalement foirée. Ça, c'est un peu comme les footballeurs qui simulent alors que les autres ne c'est sont ça. Pas touchés. C'est ça. Ah bah du coup, il y a les Hitro hein, qui déçoivent un peu Triple H. Il y a Karrion Kross aussi, même si en ce moment il essaye de le faire remonter pour faire une petite rivalité avec Rey Mysterio. Mm-hmm. Bon après, hein, comme dit le dicton de Tata Monique, hein, tout vient à poids qui sait attendre. Hein, si on ne te donne pas ta chance, tu peux pas forcément te mettre en avant. C'est ça. Je sais pas trop ce que ça va donner, cette rivalité entre Rey Mysterio et Karrion Kross, parce qu'à savoir que Rey Mysterio doit faire un peu moins d'1m70. Karrion Kross, il fait plus d'1m80. Ça fait un peu un cogneur. Contre un luchador, enfin contre un high flyer. Bah après, Rey Mysterio, dans toute sa carrière, il a affronté des catcheurs plus grands que lui. Big Show. Par exemple, il fait 1m67, précisément. Et du coup, il a affronté. Rarement, il y a des superstars qui sont aussi grands que Rey Mysterio. Et la plupart du temps, ils sont beaucoup plus grands que lui. Donc il a dû s'adapter. Ça a toujours été un de ses défis aussi, il l'a déjà dit. Hein, un de ses challenges à relever à chaque fois qu'il affrontait, par exemple, le Big Show ou encore le Great Khali. Donc c'est un truc qu'il a toujours fait dans sa carrière. Et entre autres personnes qui décevraient Triple H, hein, et Triple H pardon, c'est Emma. Alors je sais pas pourquoi elle est ressortie de nulle part. Hein. C'est une catcheuse qui a catché à Impact Wrestling avant de revenir à la WWE. Oui. Je sais pas trop ce qu'ils vont en faire. Donc, toi, est-ce que tu penses que d'autres personnes qui décevraient Triple H actuellement? Bah, je sais pas si on peut parler de décevoir, mais on peut aussi citer Braun Strowman qui est de retour, qui a été licencié quand c'était Vince McMahon, le grand patron sous prétexte de coupure budgétaire. Il a été réembauché avec Triple H, mais bien qu'il soit très puissant, on ne le voit pas énormément et je trouve ça un peu dommage. Mais je voulais aussi enchérir sur le cas Hitro, comme tu t'en as parlé. Même les fans américains n'arrivent pas à accrocher avec eux. Je sais pas si c'est leur personnage, leur talent. C'est un tout. Ouais, je pense que c'est un tout. C'est un problème de gimmick, de talent, au micro ou autre. Y a rien qui va en fait. Non, bah c'est ça. Je pense qu'ils devraient leur donner un autre personnage, d'autres personnages, parce que j'avoue que là, c'est très très Ah, c'est très compliqué, même pour les fans américains, d'accrocher avec eux. Et puis je pense que même eux, ils le voient. Et j'ai l'impression qu'ils s'en amusent. Mais c'est pas drôle. Ouais. C'est mal travaillé. Voilà, et justement, pour en revenir à ce que tu disais, le saut raté de Top Dollar, c'est aussi pour ça que ceux qui ne s'y connaissent pas trop se disent « Mais le catch, c'est truqué, ils ne se font pas mal. » Alors que si, c'est juste que le mec a raté son coup, et donc du coup, ça a tout décrédibilisé. Quoi. Mais bref, on va revenir à Emma. Qu'est-ce que tu en penses d'Emma ? Bah déjà, je savais pas qui c'était, hein. Désolée pour elle. Je sais juste qu'elle faisait partie de la WWE parce qu'elle était dans un jeu vidéo de la WWE. Hein. Je crois que c'est le 16. Je sais plus. Ou 10. J'avais le 16, le 18, le 19, et là, le 20, et là j'ai le 22. Enfin bref, on s'en fiche. Ouais. Donc pour moi, son retour était inutile, comme je le disais précédemment. Elle apporte rien au vestiaire féminin. Hein. En plus, elle est revenue contre Ronda Rousey. Elle aurait pu prendre une catcheuse un peu moins forte. Toi, tu m'as dit, quand on préparait l'émission, que tu avais une petite anecdote sur une future storyline avec Emma. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, une future histoire qui est d'ailleurs ce qui se met en place peu à peu. Donc la WWE aurait dans l'idée de mettre Emma dans une histoire amoureuse avec son petit ami dans la vie, Madcap Moss. Voilà, j'ai l'impression qu'ils sont en train de nous faire comprendre que ça va arriver, et je pense que comme ils ne savent pas trop quoi faire d'Emma, même s'ils l'ont fait revenir, ils la mettent dans cette histoire pour dire qu'ils font quelque chose d'elle, et c'est bien dommage, car ils pourraient faire des choses beaucoup plus intéressantes, car même si c'est pas la plus talentueuse des catcheuses, c'est loin d'être la plus mauvaise aussi. Donc voilà, ils disent on la met, vu qu'ils ne savent pas quoi faire de Madcap Moss non plus. Parce qu'il est talentueux. Voilà, ils ne savent pas quoi faire d'Emma. Ils se disent tiens, ces deux-là, ils sont en couple dans la vie. Qu'est-ce qu'on va faire ? Ah bah tiens, j'ai une illumination. On va leur faire une histoire amoureuse à l'écran. Je vois pas ce que ça apporte, mais bon, c'est pas la première fois que ça se fait et c'est bien dommage à nouveau. Bah justement, c'est pas la première fois que ça se fait parce que ça me fait penser en 2001, parce que moi je suis très axée sur les années 2000. Ouais. Hein. On va dire que je suis pas. je suis de 88, donc après voilà, je suis pas là pour raconter ma vie. Non. Alors en 2001, quand la WWE a intégré l'histoire d'amour entre Matt Hardy et Lita, que je parlais tout à l'heure à l'écran, sauf qu'ils étaient tous les deux déjà au top, hein, donc c'est pas forcément le cas de Madcap Moss et Emma. Alors c'était pour donner de l'importance aussi à la Team Extreme qui était composée de Matt Hardy et Lita et Jeff Hardy entre juin 2000 et novembre 2001. Donc là, je pense que ça serait judicieux de faire une petite pause musicale pour ensuite continuer de parler des Survivors. Non, c'était quoi, après ? Je ne sais plus, bon, on verra bien, on cherchera pendant la pause musicale. Voilà, et donc on fait une petite pause, je te laisse la musique. Voilà, on va s'hydrater un petit peu, parce que c'est vrai que je commence encore à avoir de nouveau la gorge un petit peu sèche. Et donc nous allons écouter le titre Always de Saliva. C'était la musique du pay-per-view Survivor Series en 2002. Donc voilà, c'est une bonne petite musique qui bouge un petit peu bien, tout à fait. Et donc on écoute ce morceau, on se retrouve juste après, d'ici un peu moins de 4 minutes. A tout de suite sur Radio Game of Thrones. Just can't take anymore. It's like like a man, was it all just a part of your plan? The pistol shaking in my hands, and all I hear is the sound. Nous sommes de retour sur Radio Gemozo 107. Vous venez d'écouter Saliva et le titre Always. C'est, on peut le répéter, la musique du pay-per-view Survivor Series 2002. Et on va continuer avec le championnat universel de la WWE. Il faut savoir qu'avant que ce championnat soit créé en 2016, le titre le plus important était le championnat de la WWE qui lui existe depuis 1963. Avant de te redonner la parole, Laura, je vais donner quelques infos. Oui, bien sûr, on est là pour ça. Voilà. La première superstar à avoir détenu ce championnat universel était Finn Balor, coucou, encore lui, qui a aussi le triste record, malheureusement, du règne le plus court avec seulement un jour. Il a dû rendre la ceinture à cause d'une blessure, je ne sais plus c'était à quelle partie du corps. L'épaule. Voilà, une blessure à l'épaule. À ne pas confondre avec le WWE Championship, le championnat WWE, ce sont deux titres bien différents. Il y a le championnat WWE et le championnat universel de la WWE. Pour faire une petite rétrospective de son existence, à l'époque, il y avait le championnat de la WWE et le championnat poids lourd. Cependant, ce dernier a disparu et a fusionné avec le championnat de la WWE qui s'appelle désormais championnat poids lourd de la WWE. J'espère que je ne vous perds pas. Il a été fusionné en 2016, c'est pourquoi, normalement, il y a le championnat WWE et le championnat universel, et que chacun de ces titres aurait dû être le titre le plus important de chaque show. Mais actuellement, comme on l'a dit tout à l'heure, alors nous enregistrons cette émission, c'est Roman Reigns qui a les deux ceintures, et donc il peut aller dans les deux shows. Donc quelque part, les deux ceintures sont quand même les ceintures les plus importantes des deux shows. Voilà, universel pour SmackDown par exemple, et puis WWE pour Raw. Mais du coup, c'est toujours le même délire, mais c'est Roman Reigns qui est un seul champion pour les deux ceintures, quoi. Il est temps que, comme on le dit à chaque fois, à chaque émission, que ça soit un peu séparé, qu'on laisse la chance à d'autres, en fait. Donc, je voulais juste rebondir sur le championnat poids lourd. Je trouve ça dommage qu'il l'ait enlevé parce que la ceinture était vraiment superbe. Et je trouve que c'est même l'une des ceintures les plus belles qui s'est faite. Hein. Mm-hmm. Depuis quelques années, les ceintures sont très simplifiées, à savoir juste un W sur un fond de couleur bleu, rouge, noir, quoi. Voilà. Alors, Chris, qu'est-ce que tu penses du design des ceintures actuelles? Et si c'était possible, laquelle tu aimerais voir revenir? Bah, une nouvelle fois, je suis d'accord, assez d'accord avec toi sur le fait que les ceintures actuelles soient très simplistes. En fait, ce sont exactement les mêmes ceintures, sauf qu'il y a juste, comme tu l'as dit, la couleur qui change. Voilà, il y a le W de WWE, avec juste la couleur pour dire, hé, c'est des ceintures différentes. C'est le cas aussi chez les femmes, hein, d'ailleurs. Je trouve qu'avant, le design était beaucoup plus travaillé, et au moins, pour un novice, on pouvait facilement faire la différence entre chaque ceinture, vu qu'elles étaient totalement différentes. Concernant laquelle j'aimerais voir revenir, je dirais la ceinture hardcore. Je suis d'accord avec toi. Voilà, je la trouvais vraiment magnifique, vraiment stylée. Elle avait vraiment sa propre personnalité, même le dessin, l'illustration, c'était une illustration un petit peu déchirée, c'était très, très sympathique. Elle avait sa propre identité, mais bon, on ne la verra pas car l'époque a changé. Elle faisait partie du show ECW, et en plus l'ère, E accent grave, RE, a changé. Aujourd'hui c'est beaucoup plus PG. Ça veut dire que c'est beaucoup plus familial et beaucoup moins sanglant pour ne pas choquer les plus jeunes d'entre nous. Comme nous le disons donc, Roman Reigns est le champion des deux titres majeurs. Donc Laura, même si tu en as un petit peu parlé, je vais te laisser te défouler. Que penses-tu de tout ça? Je voulais juste rebondir sur le Hardcore Championship. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un peu le titre 24/7 qui est actuellement dissous. Voilà, qui n'existe plus. Voilà, qui n'existe plus et tant mieux. Mais c'était pour vous faire une idée, en fait, c'était ça. Dès qu'il y en a un qui arrivait, il faisait un wall-up. Un tombé, ouais. Il surgissait de nulle part. Et je pense notamment à Molly Holly qui a fait un roll-up à Hurricane Helms, mm-hmm. plus connu sous le nom de The Hurricane. L'ouragan, je crois que ça se traduit comme ça, il me semble. J'ai pas la traduction, mais ça doit être quelque chose comme ça. Bah, c'est un. Ou la tempête, ou c'est un. Bah, c'est un... Oui, quelque chose comme ça. Voilà, et qui avait aussi un gimmick, un genre de gimmick de super-héros. C'est ça, bah c'est ça. J'aimais beaucoup sa tenue d'ailleurs. Il était très stylé, je crois. En vert. Voilà, en vert, et puis le masque noir et avec du blanc dessus. J'ai même une figurine de lui, chez moi. Voilà, voilà, je vous raconte ma vie également. Est-ce que ça te fait penser à Green Lantern un peu? Bah, un petit peu, dans le délire, c'est un peu ça. Maintenant, du coup, c'est Shane Helms qui est du coup. Fait partie des officiels. Les producteurs, je crois. Quelque chose comme ça. Mm-hmm. Et on le voit réapparaître de temps en temps quand il y a une bagarre entre deux superstars pour les séparer. On le voit apparaître. Il est assez petit, coiffure un peu en brosse et puis le book. Voilà. C'est, ça, c'est Shane Helms, donc à l'époque, The Hurricane. À savoir qu'il a entraîné Logan Paul. Voilà. Pour, et avec Shawn Michaels pour son match contre Roman Reigns. Il a vendu le match, c'était super quand même. Ah ben, ouais, et puis Logan Paul. On connaît le personnage, hein, on sait très controversé, notamment avec certaines vidéos qu'il avait publiées sur Internet. On va pas rappeler ce que c'est, je pense que au pire vous cherchez sur Internet. Mais on peut reconnaître que même il est pas catcheur à la base, mais il est très talentueux. Il vend très bien les prises, il fait des coups, des prises que un novice ne ferait pas. Et il aime prendre des risques et ça c'est quelque chose qu'on peut au moins lui reconnaître. Il est très, c'est vraiment peut-être un futur catcheur, on va dire, une personnalité très très intéressante à suivre en tant que catcheur. Il est très rapide aussi. Il y a une prise qui m'a marqué, mais je sais pas comment ça s'appelle, mais tu vas peut-être me le dire. Il a pris Roman Reigns, enfin lui, Logan Paul était à la deuxième corde, je crois, et en fait il a sauté, il a retourné Roman Reigns en faisant une espèce de salto, en prenant par le cou. Comment ça s'appelle cette prise? Ah oui, je vois de quoi tu parles. C'est le. Bah, je ne sais plus, mais je vois de quoi tu parles. Oui. Bah, j'ai le nom de la prise quand c'était Tyson qui la faisait, mais c'est pas le vrai nom, c'était le code blue. Mais oui, je vois, oui, il saute et puis il fait un genre de salto en lui attrapant la nuque. Voilà, c'est ça, c'était vraiment impressionnant. Il fait aussi très bien les diving crossbody. Hein. Bah, on va dire qu'en gros, il saute comme un super héros sur la personne. C'est un peu ça. Bah, franchement, il a fait un match de qualité. Et j'ai vu des rumeurs sur internet comme quoi il le mettrait à WrestleMania. Mais je sais pas si c'est vraiment mérité parce qu'on le voit une fois par an, quoi. On le voit une fois par an, mais au niveau du talent, il y a quelque chose à faire. Et puis sur WrestleMania, du coup, déjà qu'il nous sort des performances assez impressionnantes en temps normal, donc imagine un WrestleMania, le show le plus important de l'année, ce qui pourrait nous sortir. C'est vrai, mais je vois pas contre qui il pourrait se battre. Contre qui il pourrait se battre, bon, je pense qu'il y a largement le temps de faire une rivalité avant WrestleMania. C'est en avril, je crois. Ouais. Donc bon, il y a encore 3 mois. Moi, je pense pas qu'ils vont revenir avec la rivalité avec The Miz maintenant. Non, bah, je pense que s'ils veulent le mettre à WrestleMania, ils trouveront bien un adversaire, un bon adversaire, j'imagine. Mm-hmm. Voilà. Donc, on parlait de Roman Reigns, hein, et puis bah, comme on le disait, bah, il est temps de séparer les ceintures. Hein. On a bien compris que Roman Reigns est l'image de la compagnie, mais ça sera bien de mettre d'autres talents en avant et ne pas avoir qu'une seule tête d'affiche. Hein. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Et si les titres étaient séparés, qui voudrais-tu voir comme champion? Une nouvelle fois, je te rejoins là-dessus, faut vraiment que ça s'arrête, hein. Faut vraiment qu'on arrête de se rejoindre là-dessus, c'est pas bien du tout. Ça fait du coup plus de 2 ans qu'il est champion, ça devient vraiment rébarbatif, hein. Malheureusement, comme on l'a dit un peu plus tôt dans cette émission, d'autres superstars mériteraient de toucher aux ceintures, mais comme tu l'as dit, vu que Roman Reigns est THE tête d'affiche, je pense que la WWE a peur d'en changer, au risque que cela rapporte moins d'argent, car on peut le rappeler, comme toutes les entreprises, un des buts de la WWE, c'est de faire vendre, et du coup, de gagner de l'argent, hein, ça peut se comprendre. Et si les titres étaient séparés, qui est-ce que je voudrais voir comme champion? C'est une bonne question, à laquelle je n'ai pas la réponse. Kevin Owens? Non. Non. Non, je pense pas, parce que selon certaines rumeurs, la WWE aimerait le faire combattre à WrestleMania dans un match par équipe avec Sami Zayn, qui fait partie de la Bloodline actuellement avec Roman Reigns, justement, face aux frères Uso, les cousins de Roman Reigns, pour désunifier les titres par équipe. Et si c'est vrai, qu'est-ce que t'en penses de ça? En sachant que Kevin Owens et Sami Zayn sont très bons amis en dehors des écrans, ils sont tous les deux québécois, et qu'ils ont déjà combattu ensemble, ça pourrait être une bonne idée, j'avoue. Il y a une véritable alchimie entre les deux, et ça se ressent quand ils combattent ensemble, ou l'un contre l'autre. Et donc ils sont très complémentaires, ils se connaissent par cœur, donc je pense que ça pourrait avoir vraiment de la gueule, voilà, comme on peut dire en temps normal. Ça pourrait avoir de la gueule de les voir ensemble, et pourquoi pas futurs champions. Je pense que ça donnerait quelque chose de vraiment pas mal. J'ai du mal à imaginer les Usos avec une seule ceinture, même si j'ai envie de voir ça. Je sais pas. Donc il y a aussi des rumeurs qui circulent depuis quelque temps sur internet, hein, D'après le Wrestling Observer Newsletter. Ah, t'aurais pu me laisser le dire, ça aurait été plus drôle. Bah vas-y. La Wrestling Observer Newsletter. En effet, c'était drôle. Roman Reigns ferait deux matchs à WrestleMania, ouais. dont un face à son cousin The Rock. Mais j'ai vu aussi que si c'est lui qui venait pas, il faisait venir un autre catcheur. Ils auraient une idée de qui ça serait, et je serais curieuse de savoir qui c'est. Donc, The Rock a été aussi l'affiche de la compagnie pendant un certain temps, notamment dans les années 2000. Hein, il s'était avec Stone Cold Steve Austin, il y a une belle rivalité. Donc, à ton avis, comment la WWE s'y prendrait pour préparer les spectateurs à voir ses storylines et ses matchs, donc contre Roman Reigns contre The Rock et les Usos contre Kevin Owens et Sami Zayn? Bah, je pense que si c'est vrai, la WWE devra vraiment gérer sur tous les points. Hein. The Rock était et est toujours d'ailleurs une célébrité très appréciée, maintenant plus du côté d'Hollywood. Mais même s'il revient en tant que catcheur, je n'imagine pas comment la foule bondirait de le revoir. Donc si l'histoire est mal amenée et mal construite, les fans risquent d'être énormément déçus et de moins rentrer dans l'histoire. Maintenant, concernant le retour potentiel de The Rock, pourquoi pas Solo Sikoa, qui irait chercher Solo Sikoa, le petit frère des Usos, donc aussi cousin de Roman Reigns, qui irait chercher The Rock pour tenter de raisonner Roman Reigns en vain. Ce qui entraînerait ensuite un match pour pourquoi pas prendre le contrôle de la Bloodline. Mais Laura, il me semble qu'il y a une autre rumeur concernant un match contre un certain Cody Rhodes. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Ah, s'il venait vraiment à y avoir un match entre les deux à WrestleMania, ça voudrait dire, selon moi, que Cody Rhodes effectuerait son retour au Royal Rumble 2023 et qu'il le gagnerait. Et j'espère que ça sera le cas. Après, même si le match devait vraiment avoir lieu, je ne pense pas qu'il le gagnera, la ceinture, parce que certes, il a cartonné depuis son retour, mais il s'est blessé peu de temps après. Un peu avant Hell in a Cell, il y avait un de ses muscles pectoraux qui était bleu. Un gros hématome. Voilà, un gros hématome. Il a fait un match de folie quand même. Un match de folie qu'il a gagné d'ailleurs, mais on voyait bien à la fin du match, il était tout blanc. Plusieurs fois, quand j'ai vu ce match, j'avais peur pour lui. J'ai cru qu'il allait s'évanouir de douleur. Et puis parce que du coup c'est face à Seth Rollins, et du coup ça a joué là-dessus sur la blessure. Mais c'était, on peut le rappeler pour les ceux qui ne connaissent pas forcément, qui disent oui, c'est du maquillage, absolument pas, c'était vraiment une véritable blessure. Le gros hématome sur le pectoral droit, je crois, c'était un véritable hématome, il n'était pas abusé, il n'était pas minimisé, c'était vraiment la blessure. C'est pour ça qu'il est absent d'ailleurs depuis plusieurs mois maintenant. Et donc c'était un très beau match, je suis d'accord. Et à savoir qu'il me semble qu'à la fin du match, on voit que son hématome, il s'est étendu sur l'avant-bras aussi. Aussi. Donc c'est là que vous voyez que c'est vraiment pas du fake. Donc, donc selon moi, je pense qu'il pourrait gagner le Royal Rumble et ça serait intéressant. Bon, oui, je pense pas qu'il gagnerait la ceinture parce qu'il a été blessé, on l'a vu, ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Mais ça serait bien qu'il le mette plus en avant. Et pour que vraiment le match soit crédible, si jamais il devait jouer contre Roman Reigns, ça serait bien qu'il le mette plus en avant maintenant, qu'il lui donne plus de temps. Alors je pense que Roman Reigns gardera quand même une ceinture, parce que dans tous les cas c'est la tête d'affiche de la compagnie. Du coup, Chris, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter là-dessus? Alors déjà sur Cody Rhodes qui ferait son retour au Royal Rumble, oui, parce que lors du dernier Raw, de l'émission Raw de l'année 2022, la rétrospective, il y a les présentateurs, c'était Corey Graves et une jeune femme dont je ne sais plus le nom, qui ont reçu Cody Rhodes en visioconférence, et j'ai trouvé, quand il a parlé, j'ai cru comprendre qu'il donnait des petits indices comme quoi il reviendrait bientôt donc, au Royal Rumble. Je trouve qu'il a vraiment incité ça, qu'il a vraiment insinué ça. Donc je pense que son retour au Royal Rumble, je pense que ça va se faire. C'est quand le Royal Rumble? C'est 28 janvier. Voilà, donc je si pense. Si je dis pas de bêtises. Voilà, je pense qu'on pourrait revoir Cody Rhodes au Royal Rumble également. Mais maintenant, je peux te proposer de nous lancer dans la prochaine pause musicale. Nous allons écouter Puddle of Mud et leur morceau Control. C'est la musique du show. J'ai pris par surprise. J'ai pris par surprise. SmackDown, du coup, je suppose. Non, c'est la musique du show de Survivor Series 2001. Voilà, j'ai pris par surprise. Ça m'a fait plaisir, j'aime bien. Donc, on écoute Puddle of Mud et le morceau Control, la musique du show Survivor Series 2001. Et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission. A tout de suite sur Radio Game of Thrones. We'll be right back. outside your dirty cage. Well, I'm alone inside my mind. I'd like to teach you all the rules. I get to see them set in stone. I like it when you chain me to the bed, but then your secrets never show. Out of my head, 'cause I'm a guy you'll never find. I think you know all of the rules. There's no expressions on your face. I hope that someday you will let me go. Release me from my dirty cage. Control of you. I love the way you look at me. I love the way you smack my ass. I love the dirty things you do. Well, I have control of you. I love the way you look at me. I love the way you smack my ass. I love the dirty things you do. Nous sommes de retour sur les ondes de RGM. Merci aux auditeurs qui sont avec nous depuis le début de l'émission. Et ils ont dû s'accrocher parce qu'on a pas mal parlé avant la première pause musicale. Oui, mais bon. Et merci à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre via le 107, Radio Line et l'application mobile Les Radios Associatives. Vous êtes toujours avec Chris et Laura. Ils ne savaient plus comment ils s'appelaient. Non, j'avais oublié. Je réfléchissais, je disais, mais comment je me fais appeler ici? Ah oui, c'est vrai, c'est Chris. Alors soyez les bienvenus pour la troisième édition de Radio Catch. Nous allons maintenant aborder le dernier Premium Live Event en date, à savoir Survivor Series War Games, qui s'est déroulé le 27 novembre dernier au TD Garden de Boston dans le Massachusetts. Mais avant, on a convenu avant cette pause musicale de parler rapidement des musiques de show, des musiques de pay-per-view. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Eh bien que c'est beaucoup mieux que les musiques d'entrée, parce que les musiques d'entrée c'est assez répétitive, on va pas se mentir. Voilà. Et là franchement c'est celle-là elle est bien. C'est vrai, et t'as même les autres, hein. On fait que des bons choix ici. Et après t'as certaines pauses musicales, musiques d'entrée c'est mieux, qui sont très bien également, mais c'est vrai que t'en as d'autres. Pourquoi? Bah c'est que de la musique, t'as pas de parole. C'est ça. Alors qu'à l'époque, c'est vrai que les musiques d'entrée à l'époque étaient beaucoup mieux. Par exemple, une de mes musiques préférées, ça va te faire plaisir, c'est la musique d'entrée de Lita. Wow. De Boys Eat Cars, je crois. Et le titre, c'était Love, Fury, Passion, Energy. Oui, je crois que c'est ça. Voilà, c'est une de mes musiques d'entrée préférées. Mm. Voilà. Donc, du coup, Survivor Series, War Game. Voilà, donc... Alors, juste en musique d'entrée qui était travaillée, on peut citer Triple H qui a beaucoup pris, mis à part sa chanson Attends, je sais plus comment ça s'appelait. C'était avant Motorhead, parce qu'ils prenaient beaucoup Motorhead. Très bon groupe d'ailleurs. Voilà, mais sa musique c'était. Ah, bref, pas grave, on coupera. Non, on coupera pas, on regardera. Oui, on regardera après la pause. Voilà. Il y a beaucoup de choses à regarder après la pause, il y a tellement de choses qu'on sait plus ce qu'on doit regarder. C'est ça. Donc, du coup, ça va voir en série War Games. Voilà, donc c'est quoi le War Games ? Eh bien, le War Games, c'est un type de match créé par Dusty Rhodes, dont on salue la mémoire. Il y a beaucoup de morts dans cette émission. Ouais, le père de Cody Rhodes et de Dustin Rhodes, ou Goldust à la WWE, il l'a créé en 1987. Donc, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, on attend, hein, la France t'écoute, on reste pendu à tes lèvres. Merci. Alors, le War Games, c'est un match en cage. Le match implique généralement deux équipes de 4, 5 superstars ou plus enfermées dans une cage en acier qui englobe deux rings placés côte à côte. La cage peut avoir ou non un toit, en sachant que pour gagner le match, il ne faut pas s'échapper de la cage comme pour un steel cage match par exemple. Mm-hmm. Non, non, non. Donc maintenant, pourquoi deux rings ? En fait, il n'y a pas réellement de raison officielle pour laquelle il y a deux rings à l'intérieur d'un match War Games, puisque Dusty Rhodes a également déclaré qu'il a été inspiré après avoir regardé Mad Max Beyond Thunderdome, un film de 1985. Cependant, grâce à ça, il est possible de donner plus d'espace et d'action, d'espace et d'action à l'action, justement, puisque 8 à 10 compétiteurs sont attendus simultanément. Et donc, voilà, on imagine bien que sur un seul ring, avec avoir 10 catchers sur un seul ring, ils risquent de se marcher dessus, et pour la liberté des mouvements, c'est très compliqué. Donc, Laura, quel était le match d'ouverture de ce Premium Live Event ? Ah, je voulais juste te remercier de ne pas me laisser dire que Dusty Rhodes s'inspirait du film Mad Max, quoi, déjà ? Beyond Thunderdome. Si c'est moi qui l'avais dit, ça serait parti dans le bêtisier. Donc, le match d'ouverture, hein, c'était un match purement féminin. Il y avait deux équipes, une équipe de face, donc de gentil, composée de Bianca Belair, Alexa Bliss, avant qu'elle ne parte du côté obscur. Tout à fait. Asuka, Mia Yim, plus connu le nom de Michim, je croirais un nom de serviette hygiénique. On va rester sur Mia Yim. Hein. Voilà. Et il y avait Becky Lynch face à une équipe de heel de méchants, composée de Damage Control. Damage CTRL. Ouais, c'est ça. Donc avec Bayley, Dakota Kai et Io Sky. Oh, impressionnant. Ça mérite musique. Si ça risquait pas de saturer, je t'aurais applaudi. D'accord. Donc leur partenaire était Nikki Cross et Rhea Ripley. J'ai trouvé ce match particulièrement intéressant et intense parce que chaque superstar a montré de quoi elle était capable. Le match a duré environ 40 minutes, à peu près le temps qu'on a parlé avant la première pause musicale. C'est un peu ça, hein. Donc ça peut paraître long, mais on ne voit pas le temps passer, et j'espère que vous n'avez pas vu le temps passer non plus. On espère, parce que si vous êtes endormi, bon, c'est pas que ça nous embête un petit peu, mais bon, voilà. Donc l'équipe de Bianca Belair a gagné grâce à une intervention d'Asuka qui a craché une sorte d'encre dans le visage de Rhea Ripley qui ne voyait plus rien. Du coup, ça me fait penser, je crois que c'est la sèche qui crache une encre dans milieu marin. Quelque chose comme ça, ouais. Voilà, c'était pour la petite minute culture animalière. Merci. Le match se termine avec Becky Lynch qui a porté sa prise de finition de la deuxième corde. Prise de finition qui ressemble un peu à celle de The Rock, à savoir qu'elle prend son adversaire par le cou et qu'elle le pose au sol. Mais sauf qu'elle, elle le fait de la deuxième corde. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Donc elle le projette d'un peu plus haut. Voilà. Voilà. C'était pour la petite minute culture des prises de finition. Merci. Mais toi, Chris, qu'est-ce que tu as pensé de ce match ? Alors, avant de te répondre, car j'aime bien désobéir, cette encre dont tu parlais juste avant, que Asuka a craché au visage de Rhea Ripley, s'appelle le Agen Mist. Donc, qu'est-ce que c'est ? Déjà, il faut savoir que Mist signifie en anglais brume. Ça désigne la manœuvre illégale. Voilà, même si c'est légal dans le kayfabe, dans le faux, c'est illégal. Qui consiste du coup à cracher un liquide coloré au visage d'un adversaire. En fait, l'adversaire est aveuglé et ressent des picotements intenses dans les yeux. L'Agen Mist est originaire du Japon, asiatique, quoi, ici, la brume asiatique, et donc où elle est connue sous le nom de Dokugiri. Voilà. Super accent. Merci. Ou brouillard de poison, bien qu'il soit utilisé par un petit nombre de lutteurs dans le monde. Il en existe plusieurs de différentes couleurs, chacune étant censée avoir sa spécificité. Il y a la version verte, censé aveugler, pas du tout, censé obscurcir la vision. La version rouge, censée brûler plutôt qu'aveugler. La noire, censée aveugler gravement pendant une longue période. la bleue censée endormir et enfin la jaune censée paralyser l'adversaire. Le premier à avoir utilisé le Mist est Tajiri, un célèbre catcheur japonais qui a combattu à la WWE. Maintenant que cette petite parenthèse est faite, qu'est-ce que j'ai pensé de ce match ? À nouveau, je te rejoins sur la qualité du match. Hein. Il faut d'ailleurs qu'on arrête d'être d'accord, ça va plus du tout. C'est, normalement, on est censé être en désaccord. C'est tellement plus drôle quand on est en désaccord. Mais oui. Donc c'était un très bon match. Hein. Chaque superstar a montré ce qu'elle savait faire. Et bien sûr, je ne pouvais pas manquer ce match puisqu'il y avait Alexa Bliss, ma catcheuse préférée. La victoire de l'équipe Face ne me surprend pas, même si en face, il y avait quand même du répondant et du talent. Maintenant, on va passer au prochain match. AJ Styles avec Luke Gallows et Karl Anderson. Luke Gallows qui avait un ancien personnage qui s'appelait... Festus. Voilà, qui était différent. De... Ouais. On aurait dit un attardé, quoi. Bah, c'était le but. Il était beaucoup plus gros aussi. Oui, bah, c'était le but de son gimmick, en fait, de faire un déficient mental. Et Karl Anderson est en accompagnateur, du coup, face à Finn Balor. Le revoilà, il nous avait manqué. Accompagné de Damian Priest et Dominic Mysterio. Laura, toi là, derrière la vitre, qu'en as-tu pensé de ce match ? Eh bien, mon cher Chris, je n'ai pas regardé ce match parce que c'était le match qui m'intéressait le moins. Bah, c'est super, voilà qui est fait. Super. Du coup, je vais répondre moi-même, hein, voilà, vu que toi, tu ne fais pas d'efforts. J'avoue, ce match n'était pas le meilleur match de la soirée, hein, certes. AJ Styles et Finn Balor sont très talentueux, ils se sont déjà affrontés à maintes reprises, que ce soit à la WWE ou ailleurs. Ils se connaissent par cœur, mais pour être tout à fait franc, je ne me souviens pas vraiment de ce match. Donc il ne m'a pas trop marqué, même si ça ne surprendra personne, je crois. Il y a eu des interventions et de la bagarre entre Luke Gallows, Karl Anderson, Damian Priest et Dominic Mysterio. Eh bien, j'ai pas fait de regarder le match, hein. Toi tu sais vendre tes produits. Merci, je sais. Alors, troisième match, Ronda Rousey accompagnée de Shayna Baszler face à Shotzi accompagnée par elle-même. Voilà. Bonjour tout le monde, salut tout seul. Je suis assez mitigée sur le match, hein. Encore une fois, Ronda Rousey montre toute sa force. Son adversaire aussi, mais à la fin est toujours très peu travaillée, on va dire qu'elle est complètement claquée au sol. Hein. Voilà. Victoire par soumission de Ronda Rousey, comme d'habitude. Hein. J'ai lu sur internet que Ronda Rousey avait prévu de faire un match complètement différent de celui-là. Et on aurait tous préféré que ça soit comme ça. Hein. Ouais, c'est vrai. Elle voulait mettre beaucoup plus en avant le talent de Shotzi, mais encore une fois, à la WWE, on a décidé autrement. Et toi, Chris, est-ce que tu as regardé ce match ? Eh bien, juste avant de te répondre, à nouveau, c'est vrai que Ronda Rousey, sur son catch à la WWE, elle a un certain contrôle créatif. Comme par exemple, quand Liv Morgan avait encaissé sa mallette Money in the Bank, c'était Ronda Rousey qui l'avait demandé. Donc, Ronda Rousey peut demander certaines choses à la WWE, des fois il l'écoute, des fois pas du tout, ça a été le cas pour ce match. Et pour te répondre, oui, car contrairement à d'autres, dont je ne citerai pas le nom, Laura, je regarde tous les matchs, même ceux qui m'intéressent le moins, et celui-ci en faisait partie. Je m'explique. Bien que j'apprécie Shotzi, je reconnais quand même que ce n'est pas la meilleure catcheuse qui puisse exister, mais j'aime bien son style, tatoué de partout, les cheveux verts, j'adore. Concernant Ronda Rousey, ça me conforte dans l'idée qu'elle n'est pas faite pour les rings de catch. En tout cas, pour le moment, hein. Peut-être que ça améliorera, on ne sait pas. Mais c'est une excellente combattante d'arts martiaux mixtes, hein, ça je le reconnais. Mais je trouve que le rôle de catcheuse ne lui va pas. Cependant, je peux au moins reconnaître que Ronda Rousey cherche toujours à mettre ses adversaires en avant, que ce soit Shotzi pour ce match ou alors Liv Morgan lors de leur dernière rivalité. Ça, c'est quelque chose qu'on peut au moins lui reconnaître. Le prochain match était un match à 3 avec Austin Theory contre Seth Freakin' Rollins contre... The Almighty. The Almighty Bobby Lashley. Ouais. Bobby Lashley, quoi. Mais j'aime bien. Ah, d'accord. J'ai trouvé ce match tout aussi palpitant que le match d'ouverture. Chacun a pu mettre le talent de l'autre en avant. Cependant, je suis très frustrée d'avoir vu Austin Theory dérober la ceinture à Seth Rollins, qui aurait dû la conserver, à mon sens. Hein. Il a profité de la prise de finition que Seth Rollins a portée à Bobby Lashley pour l'éjecter du ring et faire le tomber. Et ainsi gagner la ceinture. Je le déteste. Voilà, donc vous comprendrez donc que Laura est vraiment trop fan d'Austin Theory. Donc certes, la fin est discutable, mais je trouve que c'est une bonne fin. Pourquoi ? Bah oui, pourquoi du coup ? Eh bien, le but du gimmick du personnage d'Austin Theory, c'est de se faire détester par les fans. Il a parfaitement réussi son rôle du coup, parce que je le déteste. Voilà, dans son gimmick, dans son personnage, il est arrogant, il est opportuniste, il est détestable, il est de mauvaise foi, c'est un heel en puissance. Et justement, un heel qui se fait huer à ce point est un très bon heel. Et grâce à cette fin, il a permis quelque part, de faire briller ses adversaires en attisant la tristesse, la frustration, la colère et la pitié même des fans sur Bobby Lashley et Seth Rollins, et en attisant également la colère sur lui-même. C'est le but d'un heel. Hein. Et donc, dans le monde du catch, le rôle du heel est de faire briller son adversaire en effectuant des actions que les fans, et le savent, détesteront. Donc, par exemple, en trichant, en étant très opportuniste, comme ça a été le cas de Austin Theory, ou comme ça a été le cas de The Ultimate Opportunist, qui était Edge. Voilà. Donc, c'est sur ce point que Austin Theory est très bon pour son âge. Il a 24 ans, 25 ans, je crois. Il a ton âge. Voilà. Donc, il est très... sur ça, il est... C'est un très bon professionnel parce qu'il arrive à attiser la haine sur lui, comme toi, comme tu le dis, tu le détestes. Mais au moins, ça, il réussit son rôle. Donc ça, c'est ce qui fait de lui un bon catcheur malgré tout. À savoir que lundi soir, le titre des États-Unis a été remis en jeu. Et comment on va dire, ce bougre de Austin Theory a porté un low blow à Seth Rollins. Qu'est-ce que c'est le low blow? Alors, c'est un petit coup de poing dans les parties génitales au niveau des testicules, je crois. Les parties génitales, quoi. Voilà. Et du coup, après, là, forcément, hein, parce que je suis pas un homme, et je suppose que ça doit faire mal. D'après ce que Michael Jackson faisait toujours, hi-hi, donc je pense que ça devait remonter jusque dans la gorge. Et puis sur ça, également, le low blow, c'est une des techniques préférées des heels, justement. Mm. Parce qu'il triche. En général, il triche quand l'arbitre a le dos tourné. C'est le principe. Hein. Même si l'arbitre sait très bien ce qui se passe derrière lui, mais pour la crédibilité du match, il dit « Ah, oh, bah, j'ai pas vu. » Hein. Dans le monde du catch, on dit « Si l'arbitre n'a rien vu, c'est que rien ne s'est passé. » Voilà. Donc, du coup, vu que c'est une des techniques préférées des catcher heel, bah, il en a profité et il s'est fait huer. En sachant qu'il y avait deux arbitres, j'ai vu, moi, sur le match-là. Il y a un arbitre qui était sonné et il y a un autre qui a pu faire le décompte de 3. Oui, bah voilà. Donc c'était un peu bizarre. Ça arrive de temps en temps. Du coup, dernier match. The Bloodline. Donc, Roman Reigns, Les Usos, Solo Sikoa et Sami Zayn face à The Brawling Brutes. Ah, franchement, j'ai perdu mon sublime accent anglais. Ouais, au grand plaisir des auditeurs. C'est presque deux heures d'émission, on sait, un peu plus. Quoi. Donc, The Brawling Brutes. Voilà, on va dire ça. Composé de Sheamus. De Sheamus, Rich Holland et Butch avec Drew McIntyre et Kevin Owens. Voilà. Alors comme le match d'ouverture, hein, j'ai trouvé que ce match était riche en rebondissements. Chaque superstar a montré toute l'immensité de son talent. On savait à peu près comment se terminerait le match, hein, mais je trouve que ça a été bien amené. C'était une bonne idée de mettre ça en main event, en match de fin. Cependant, je pense que le match des filles aurait dû se dérouler juste avant ce match-là, comme ça, ça aurait pu faire deux main events. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, justement, on peut aussi préciser que ce match, c'était également un wargames match avec les deux rings et la grosse cage. Et donc, c'est vrai que c'était un match très intense. Chacune de ces superstars est talentueuse et sait faire réagir les foules. Il y avait d'ailleurs une storyline interne à la Bloodline avec Jey Uso qui avait énormément de mal à faire confiance à Sami Zayn. C'est d'ailleurs à la fin de ce match qu'il a lâché prise et qu'ils se sont réconciliés entre guillemets en se faisant un gros câlin tout mignon. Voilà, j'ai trouvé que c'était un joli moment, même si j'aimais bien également quand ils ne s'entendaient pas. Ça rajoutait un côté humoristique au côté trop sérieux de la Bloodline. En même temps, Sami Zayn, il est bon dans le comedy wrestling. Donc voilà, ça fait un bon compromis. Et c'est là du coup que Jey Uso et Sami Zayn que Jey Uso a enfin accepté Sami Zayn dans sa famille, hein, parce que c'est vraiment sa famille de sang, à part Sami Zayn qui n'est pas de leur sang. Voilà, et les Québécois, et puis eux, ils sont samoans, d'origine samoane. Voilà, les frères Rousseau et puis Solo Sikoa, qu'on peut rappeler son frère de sang. Les frères Rousseau, frères jumeaux, et Solo Sikoa, leur petit frère, et Roman Reigns, qui est le cousin des Rousseau et de Solo Sikoa. Il y a beaucoup de catcheurs et même acteurs, je crois, qui disent que Sami Zayn est vraiment un bon orateur. Ah oui. Et il s'est fait rire le public. Et je rejoins assez là-dessus, parce qu'au départ, moi, Sami Zayn... Oui. Alors, oui, sans plus quoi. Oui, voilà, sans plus. Mais c'est vrai que là, il est monté en puissance du coup. Bah, c'est ça. Et puis, il a toujours été très talentueux. Là, ce qu'il montre à la WWE, c'est même pas la moitié de son talent. Mm-hmm. Avant, il était sur le circuit indépendant sous le nom de El Generico. Il était masqué. C'est ça. Et il était très talentueux. Et puis, la WWE, malheureusement, le limite un petit peu dans ce qu'il sait faire. Mais on voit qu'il se débrouille vraiment bien sur un ring. Et puis même au niveau comedy wrestling, il, même à l'époque hein, quand il était sur le circuit indépendant, il était très doué là-dessus. Et c'est ce qui fait le charme du personnage, j'ai envie de dire le charme du catcheur. Et c'est ce qui fait le charme de ce catcheur, de cette personne, de cette personnalité. Et c'est ça aussi qui marche, qui fonctionne avec le public. Et lundi soir, la Bloodline a défoncé tout le show. Et voilà. Et ils ont même fait venir tout le vestiaire pour les calmer, mais Solo Sikoa les a tous calmés aussi. À savoir que Solo Sikoa a porté la prise de finition du très regretté Umaga, encore une personne décédée. Alors sa prise, c'est... Le Samoan Spike. Voilà, alors le Samoan Spike, c'est quoi ? En fait, c'est, je crois qu'il lance son pouce dans la pomme d'Adam. C'est ça, il tient son adversaire par l'épaule, il prépare son pouce droit et tra, dans la pomme d'Adam. Voilà, tra, je mime en même temps pour le charme de personne en face de moi à part Laura. Et donc, du coup, également Umaga qui faisait partie de cette famille vu que Umaga c'est... Le frère de Rikishi, donc le vrai oncle des Uzo. Et de Solo c'est quoi du coup ? Voilà. Et cousin, certainement, ou petit cousin de Roman Reigns du coup. C'est possible. Il faut partir de la même famille, donc voilà. C'est... Et Rikishi, qui est aussi le frère du très regretté Yokozuna. Également. Et du coup, en fait, il faut partir de la même famille, mais ils ont des noms de famille différents. Voilà, tu prends les frères Russo, c'est Fatu, mm-hmm. donc les fils de Rikishi. Hein. Mm-hmm. Et donc les neveux de Umaga qui s'appelaient Eddie Fatu. Rikishi, c'était Solofa, enfin c'est Solofa Fatu, je crois. Mm-hmm. Roman Reigns, c'est un Anoa'i. Fils de Sika, il me semble. C'est son prénom, c'est Joe Joseph, je crois. Mm. Anoa'i. Et Solo Sikoa, bah, c'est également un Fatu qui a d'ailleurs dans son vrai nom le nom de scène de son oncle Yokozuna. Voilà. Et donc du coup, c'est pas un hommage, c'est juste ça fait partie de son vrai nom, de son identité. Yokozuna, il fait partie de son prénom, en fait, de son nom réel. Attends qu'on continue de parler sur les morts. Roman Reigns avait un frère qui s'appelait Rosé. Eh oui. Qui avait un gimmick avec The Hurricane et Molly Holly, un personnage de super-héros. Il a eu... Non, il n'était pas là, mais Umaga, avant d'être Umaga, il s'appelait Eddie et il avait... C'était 3 minutes, warning, 3 minutes, je sais plus quoi, avec Rocco. Pas si Freddy, hein. Une petite blague. Avec Rocco, en plus, il avait des pattes au niveau des... Mmh. C'était pas beau. Enfin bref, on s'en fout. Oui. Mais ouais. Chaque personnage avait son gimmick, mais je crois que Rosé était dedans, j'ai des doutes. On regardera ça après la pause musicale. Et Rosé qui est malheureusement du coup décédé également voilà. Il y a quelques années. Voilà. Donc avant de conclure cette émission, je vous propose de faire une dernière pause musicale avec War Pigs. Je suppose que c'est la guerre des cochons, non, si on traduit ? Les cochons de guerre. Un titre de Black Sabbath, à tout de suite sur le 107. Generals gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction. In the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning. Death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah! We'll darkness world stops turning. Ashes where the body's burning. No more war pigs have the power. And as God has struck the hour, day of judgment, God is calling. On the knees, the war pigs crawling, begging mercies for the sins. Satan laughing spreads his wings. Et nous sommes de retour sur Radio Gemozo 107. Vous venez d'écouter War Pig du célèbre groupe Black Sabbath avec la voix si reconnaissable de Ozzy Osbourne. Voilà, c'était la musique du Premium Live Event Survivor Series War Games 2022. Et au début du show, au début du PLE, et ben nous voyons Ozzy Osbourne qui chante cette chanson lors d'une petite vidéo, genre vidéo promo. C'est toujours dans le même style, un petit peu pas glauque mais un petit peu bizarre, de Ozzy Osbourne et de Black Sabbath. Et nous sommes repartis pour la dernière partie de cette émission Radio Catch. Et donc Laura, de quoi allons-nous parler? C'est toi qui fais la suite. Avant d'enchaîner, je voulais juste faire une petite parenthèse. Parce que j'ai dit à Chris, attention, t'as fait un blanc pour la musique. En fait, non, c'était la musique qui a fait une petite pause. Du coup, il est tout content. Je suis heureux, j'ai le sourire jusqu'aux oreilles. J'ai toujours trouvé cette expression bizarre parce que c'est compliqué d'avoir la bouche qui va jusqu'aux oreilles, à moins d'être un clown. Ah oui. J'ai le sourire, j'ai les zygomatiques qui travaillent. Hey, vous avez les zygomatiques, il y a beaucoup, beaucoup de muscles qui travaillent. Voilà. Donc voilà, on va pas faire une petite minute, on va pas jouer les Michel Simès. Nous ne sommes pas en SVT, nous ne sommes pas médecins, hein, nous sommes animateurs radio de Radio 4. Voilà, donc nous allons enchaîner pour parler du prochain PLE, un des plus grands shows de l'année, à savoir le Royal Rumble, qui aura lieu le 28 janvier. Bon, on vous avait expliqué ce que c'était lors de la précédente émission du principe du match, non de la première édition, la toute première émission du principe du match. Mais pour celles et ceux qui n'étaient pas là, Chris va se faire un plaisir de tout vous réexpliquer. Merci, je te hais. Comme d'hab, hein, on va pas changer. Alors, le principe du Royal Rumble match. Déjà, c'est un PLE qui existe depuis 1988, inventé par, comme nous l'avons dit plus tôt, Pat Patterson, décédé en 2020. Le principe, eh bien, le Royal Rumble est une bataille royale à laquelle participent 30 ou 40 personnes, ça s'est déjà vu. Deux d'entre eux démarrent le match, puis un nouvel entrant rejoint le ring au bout d'un temps prédéfini. Ceci, en général, c'est 1 minute 30, je crois. Ceci de façon régulière jusqu'à ce que tous les participants fassent leur entrée. Bien sûr, avant, on n'est pas obligé d'attendre que toutes les superstars soient rentrées pour éliminer les autres adversaires, ça peut se faire n'importe quand. Et puis, pour qu'un adversaire soit éliminé, il faut qu'il passe par-dessus la troisième corde et que les deux pieds touchent le sol. Et donc, comme dans une bataille royale standard, voilà, comme je l'ai dit, leur deux pieds doit toucher le sol, et ces éliminations ne sont confirmées qu'après consultation d'un des arbitres surveillant le match autour du ring. Ils sont 4 ou 5, hein, voilà, à surveiller que les deux pieds touchent bien le sol. Et le vainqueur est le dernier à ne pas avoir été éliminé. Alors le gagnant ou la gagnante du match, hein, il y a des Royal Rumble match pour les hommes et pour les femmes depuis 2018, hein, même que les femmes ont eu un show à elles toutes seules qui s'appelait Evolution. De plus, le gagnant ou la gagnante du match, hein, il y a des Royal Rumble pour les hommes et pour les femmes depuis 2018. Ils ont même un show spécialement pour elles, hein, c'est à savoir Evolution, où il y avait Lita et Trish. Stratus. Et la première gagnante du Royal Rumble féminin était Asuka. Voilà, et du premier, après la même année, c'était Shinsuke Nakamura, parce qu'il souhaitait mettre du coup les catcheurs japonais, les superstars japonaises à l'honneur lors du premier Royal Rumble match féminin, et donc lors de l'année là, en 2018. 2019 c'était Charlotte, 2020 c'était Becky Lynch, 2021 c'était Bianca Belair, je crois. Mais il y avait toujours Charlotte et Becky, c'était juste pour dire ça. D'accord, super. Donc, celui qui gagne le Royal Rumble, qui a fait passer tout le monde par-dessus la troisième corde, ou du moins une bonne partie, il choisit celui qui souhaite affronter à WrestleMania pour la ceinture, pour tenter de la gagner et de devenir la nouvelle tête d'affiche de la compagnie. Alors nous allons maintenant vous donner nos pronostics, hein, concernant les potentiels retours et les gagnants. Donc, en retour, j'imagine Bo Dallas, le frère de Bray Wyatt. Bien sûr. Peut-être Alexander Wolfe, mais je reste assez mitigé. Peut-être Killian Day, le mari de Nikki Cross. Naomi, mais non, là pour moi c'est mort. Matt Cardona, qui se faisait appeler Zack Ryder avant. Et il y a un potentiel retour, c'est presque acté. Mais il ne veut pas revenir en tant que Zack Ryder, il veut s'appeler de son vrai nom Matt Cardona. Mm-hmm. Il reviendrait potentiellement, enfin c'est presque même acté finalement, avec sa femme Chelsea Green, qui a été à l'AEW aussi, je crois. Oui, entre autres, et qui est passé aussi par Impact Wrestling. Je pense aussi à Beth Phoenix et Edge. En gagnant, ceux qui mériteraient selon moi d'avoir un gros match à WrestleMania seraient Cody Rhodes et Rhea Ripley. Et du coup, et toi Chris, je te rends le micro. Merci, il me manquait, il était parti loin. Alors, concernant les retours, j'avoue que tu as cité des noms qui m'ont un peu titillé. Si Bo Dallas doit revenir, je pense d'ailleurs que ça sera avant le Royal Rumble, et je pense même, je suis presque sûr, presque convaincu qu'il est déjà de retour en tant que Uncle Howdy, sous le masque, hein, avec du coup Bray Wyatt. Alexander Wolfe, je n'y crois pas, Killian Day non plus. Naomi peut-être, mais j'ai peur que si Sasha Banks ne revient pas, et je pense qu'il ne reviendra pas, on a regardé tout à l'heure sur un célèbre réseau social qui commence par Insta et qui termine par Gram. Amstramgram. Voilà, qu'elle a repris son vrai nom, Mercedes Barnado. Et puis elle a quand même, elle a remis une perruque rousse avec des petits cœurs dedans, c'est mignon. Voilà, elle va catcher au Japon prochainement. Je pense que Naomi va la suivre, que ce soit en tant que catcheuse ou même sur la route, même sans catcher. Matt Cardona carrément, j'aimerais bien, avec ou sans sa femme hein, d'ailleurs, et Beth Phoenix, Edge carrément également, ça serait un moyen de terminer la storyline face au Judgment Day. Je pense aussi que nous aurons des retours ponctuels, comme tous les ans, hein, comme par exemple The Hurricane, Molly Holly, Michelle McCool ou encore Kelly Kelly juste pour un soir. Maintenant, concernant les gagnants, je pense également, comme toi, à Cody Rhodes, ça serait logique. Et pour les femmes, je pense à Rhea Ripley également. On est un peu trop d'accord l'un avec l'autre depuis cette émission, c'est ouais. Presque... Ça me convient pas, quoi. j'ai entendu dire qu'il y aurait peut-être un petit retour de Batista, alors qu'il est censé être à la retraite. Il paraît qu'il y a des rumeurs comme quoi Batista reviendrait sur le ring, je sais pas si c'est ponctuellement ou pour toujours, j'ai envie de dire, parce qu'il est aussi du côté de Hollywood maintenant. Donc peut-être, et pourquoi pas le revoir, il était très très bon quand il était encore en activité, il était très très talentueux. Bah voilà, sur ce, nous allons nous quitter pour mieux nous retrouver le mois prochain avec notre tout premier invité, à savoir Draven, podcasteur et animateur de La Salade. De quoi parlerons-nous? Vous le saurez au prochain numéro. Et surtout, n'oubliez pas, au catch, ça vole, ça cogne, ça se soulève, mais c'est avant tout un spectacle. Ne reproduisez pas ça chez vous.